Picard. Les surgelés Picard, chaque jour un goût nouveau. Picard.be. La première. Il est 16h. Pierre-Yves Magens avec vous, bonjour à tous. Manifestations, actions de grève et quelques perturbations du trafic aujourd'hui. Si les trains roulaient, il y a des perturbations dans les transports en commun, notamment à la STIB à Bruxelles, et de façon nettement plus sensible sur le réseau des techs en Wallonie. Des actions ciblées ont aussi lieu ou eu lieu dans des entreprises, notamment celles durement touchées par des plans de licenciement ces dernières semaines. On pense à Caterpillar, à ING, et puis ce matin, une manifestation des services publics a également réuni quelques 3000 personnes à Wavre, dans le Brabant Wallon, Wavre, le fief du Premier ministre. Alors justement, à propos d'ING, l'audition des syndicats et de la direction du groupe ce matin par les députés des commissions conjointes Affaires sociales et Affaires économiques. Audition à propos de la restructuration annoncée lundi, plus de 3200 emplois menacés, dont 1700 licenciements secs. Les négociations sociales procédure Renault démarreront lundi, l'occasion d'entendre à nouveau les justifications de la direction, c'est-à-dire la digitalisation du secteur bancaire, d'entendre à nouveau aussi le choc et la colère des syndicats et des travailleurs, colère aussi du côté des députés. Écoutez par exemple écoutez par exemple le chef de groupe MR, Denis Ducarme. Vous avez dit que vous aviez sous-estimé l'impact émotionnel. Sur quelle planète vivez-vous à la direction d'ING? Mon Dieu, mais quel manque d'empathie. Et je ne comprends pas dans quel tour d'ivoire vous avez pu séjourner trop longtemps pour sous-estimer la réaction justifiée d'un certain nombre de travailleurs qui ne savent toujours pas de quoi sera fait leur avenir. Il y aura un front commun, gouvernement au pluriel, syndicat, avec un appui juridique pour tout mettre en œuvre pour diminuer au maximum les licenciements et veiller à ce que ceux qui soient licenciés puissent être épaulés et justement indemnisés. Mais je voudrais conclure par ceci. Pourquoi doit-on continuer à soutenir, comme nous le faisons fiscalement aussi fort, pour soutenir l'emploi, un certain nombre d'entreprises qui font des bénéfices, transfèrent des dividendes et, en bout de course, licencient? Un propos recueilli par Fabien Van Eekhout. Deuxième mandat d'arrêt dans le dossier de l'agression couteau à Scarbec de mercredi. Le frère d'Hicham D a lui aussi été placé sous mandat d'arrêt aujourd'hui pour participation aux activités d'un groupe terroriste. Il avait été interpellé fin d'après-midi mercredi. La chambre du conseil de Bruxelles devra se prononcer sur le maintien ou non en détention lundi pour Hicham D et mercredi matin pour son frère. L'ouragan Matthew a fait au moins 400 morts en Haïti. Beaucoup de zones sont encore très difficiles d'accès et tous les chiffres n'ont pas encore été centralisés par les autorités. La protection civile du Sud évoque pour sa part un bilan de 315 morts, mais ces chiffres ne prennent pas en compte plusieurs communes et cantons. Cela ne vous aura pas échappé, il y a du football ce soir. La Belgique accueille la Bosnie au Stade Roi-Baudouin. Le deuxième match qui compte pour la qualification à la prochaine Coupe du Monde. Match important puisque les deux équipes comptent chacune 3 points après la première journée. Et la Bosnie est l'adversaire le plus costaud du groupe, en théorie. Les Diables sont privés de 6 éléments, dont Kevin De Bruyne. Pour les remplacer, Roberto Martinez choisira sans doute entre Nasser Chadli et Dries Mertens. Dries Mertens qui se tient prêt pour ce match important. Ouais, c'est très important. Ensuite, on joue à la maison aussi. Alors, moi, j'ai très envie de jouer ce match. Et je crois que quand je vois l'entraînement, tout le monde a envie de jouer ce match et on va faire tout pour gagner ce match. Les meilleurs joueurs adverses, ils jouent en Italie, notamment Zeko, Pjanic, vous les connaissez bien. C'est des joueurs très dangereux. Bah ouais, je les connais très très bien et c'est des bons joueurs. Alors, on sait que c'est une bonne équipe, mais c'est une équipe quand même aussi que parfois ça rate un peu et on a vu déjà avant. Et j'espère que vendredi, c'est à nous de les dominer. De les bousculer, la magie de marquer son territoire quand elle joue à la maison. Je crois qu'on doit montrer à tout le monde qu'on est quand même une équipe forte et qu'on peut jouer. Si on a le ballon dans le groupe, on peut jouer. Entendez par là produire du beau jeu. Dries Mertens répond aux questions de Thierry Luther. Ce match Belgique-Bosnie qui sera diffusé en direct sur tous les médias de la RTBF. Coup d'envoi à 20h45. Voilà pour l'essentiel de l'actu. Belle fin de journée. Toute l'info est sur rtbf.be. Je vous laisse avec Walid. Merci Pierre-Yves. Retour de l'information avec vous tout à l'heure à 16h30. D'ici là, soyez les bienvenus. Nous sommes presque sérieux. Commandez vos portes et châssis avant le 31 octobre chez votre expert Profel. Et profitez de nos conditions d'automne incontournables. Profel, porte et châssis avec une promesse. la transparence. C'est presque sérieux. Sur la première, 16h-17h30, avec Walid. Est-ce que vous vous rendez compte que Charles Michel s'est aperçu ce matin que l'autre... Peter de Crémet n'est pas là, il a lu le journal. Tu veux bien revenir des États-Unis, toi La compagnie Brussels Airlines allait changer de nom. Si vous deviez proposer un nouveau nom... Tous les tiens, costumes pour, j'ai pas préparé. On approche, je suis mauvais. Hein. On va prendre Jeter, parce que c'est libre maintenant. Actarus. Ah oui, bien sûr. Le prince de... Que de digression. Le prince de... De choses, là. Je me demande si on ne part pas en impro. Tout est écrit, hein, pour les gens qui écoutent. Je pense que c'est important de prévoir des garde-fous et d'amener les entreprises à y réfléchir. Elle a raison, c'est choquant. Quand on reçoit un mail à minuit, la première chose à faire... Bah, c'est d'y répondre. Bah non, c'est d'aller se coucher plus tôt. Voilà. Et quand je suis lancé, il n'y a rien qui m'arrête. Hein. Je suis prêt à faire de la tôle pour faire rigoler. Mais... Vas-y, le tour. Ok, ok. Bah, c'est Bart Weaver qui va à la pêche. Non, attendez. Vous savez pourquoi Didier Reynders... Hillary Clinton. Bonjour Edmond. Bonjour Aldi. Oui, bah, vous pouvez m'appeler comme vous voulez, en fait. Finalement, ça marche aussi. C'est Walid. Ah, pardon, excusez-moi. Non, c'est pas grave. Dit Waldi, mais c'est pas grave. C'est Waldi, c'est le magasin. Walid, c'est en fait, c'est Wally. Wally, c'est l'alligator. Moi, c'est l'animateur. Walid, il est président de quoi? L'association des chauves. Eh oui, voilà. C'est le chef des chauves. Le chef des chauves. Voilà. C'est pour ça qu'il peut dire Waldi. Et la Confédération des Belges chauves de Belgique qui fête ses 50 ans. C'est pas comme ça qu'on s'appelle. Ça s'appelle la Confédération nationale des chauves de Belgique. Ah, autant pour moi. Le costume qui se compose de quoi exactement? Mais c'est-à-dire c'est une toge noire, jaune et rouge, donc sur fond rouge, une écharpe jaune et deux bandes noires. Il faut voir ça, mais... Oui. 16h-17h30. Ne prenez pas la grosse tête. Restez presque sérieux. Avec Walid. Eh oui, ça y est, Bernard Westphal est sorti libre du palais de justice de Mons après avoir été jugé non coupable du meurtre de Véronique Pirotton. C'est sa voix. C'est pour retrouver l'avis des jurés sur l'affaire de la chambre 602 sur Bad Trip Advisor. Tous les avis, tous les commentaires. Et vous avez vu qu'aujourd'hui, le livre. Oui. C'était bien calculé. D'ailleurs, elle a écrit le livre. Qu'est-ce qu'ils ont fait de la chambre d'hôtel? Est-ce que vous pensez qu'elle reste là? Qu'est-ce qu'ils ont fait de l'hôtel? C'est vrai, c'est bizarre quand même. Ils font les visites guidées. Ils ont mis une bâche comme à Marcinelle. C'est pas. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à notre audience. Merci à vous. À défaut de rendre justice, ils vont essayer de vous rendre le sourire avec vos esprits magistraux du jour. À commencer par celui qui, avec sa stature, doit faire très attention. Hein. Oui, avec lui, il faut faire attention même quand il veut juste caresser une joue. C'est Manu Di Pietro. Oui. Je suis très doux. Vous êtes le colosse de cette émission, on peut dire ça comme ça. Il s'est repoussé les cheveux. On lui dit souvent de faire attention parce que, comme le dit l'adage, jeu de mots. Hein, c'est Mickaël Albaz qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Walid, bonjour à tous. Lui, c'est un faux méchant, c'est Fred Dubus qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Waldi. Est-ce qu'on dit Waldi ou Walid? Appelez-moi comme vous voulez, ça me fait plaisir. Tiens, il était aussi à un stand le jour du drame, mais dans un autre hôtel. Il espère qu'à l'issue de son propre procès, il pourra dire qu'il a été logé à la même enseigne que Bernard. Vincent Flibustier, bonjour. Bonjour Wally. Bonjour Vincent Flibustier. Peut-être que sa chambre d'hôtel, Noir Désir va peut-être faire un concert là-bas. Et lui, tiens, il est avec nous, il adore essayer de trancher. D'ailleurs, un jour, il a fait partie d'un jury qui a osé déclarer une entrecôte de bœuf non coupable, c'est Raoul Reyers. Oui, c'est vrai, c'est très dur. Hein. Ouais. Il a quand même été condamné à mort. Qu'est-ce que vous préférez? Allez, parce que dites, on sent que Wally, vous en avez un peu marre, vous préférez Waldi Wally. Laissez-moi jusqu'à 17h30, je réfléchis, je vous réponds à cette question. Et en ce vendredi 7 octobre, Olivier elle est en greffe. Roger, ça passe partout, Roger. Ça veut dire qu'elle travaille, c'est notre assistante, elle a préparé cette émission pour vous, Carole Baquet. Et oui, votre honneur, il hausse souvent le son, mais on ne le voit pas comme être un régicide. C'est notre réalisateur, Laurent Nélissen, qui est avec nous. Merci à vous d'être comme nos chroniqueurs du jour, presque sérieux. L'actualité, vous le savez, ce sont eux qui la font. C'est avec vous que nous en rions. Soyez les bienvenus sur la première. C'est presque sérieux. Sur la première. Notre invité du jour viendra nous parler d'une tournée, la tournée H-Tendre et Tête de Bois. Son producteur, Christophe Dechavanne, sera avec nous d'ici une bonne vingtaine de minutes. Et puis, nous aurons l'occasion, durant 7h30, eh bien de parler de France-Belgique, une autre idée de la politique. Oui, on en reparlera dans un instant avec Manu Di Pietro. On dressera un portrait de notre invité, Christophe Dechavanne. Et puis, le dessin qu'il n'a pas commis cette semaine, c'est Fred Dubus qui vous le proposera en ce vendredi 6 octobre. Que je vous souhaite excellent à l'écoute de la première. Des cadeaux, des surprises également à venir et un défi. Alors là, je vous en dis pas plus. Oui. Soyez des nôtres. Si vous êtes dans les parages de la RTBF, soyez du côté de la place Mézère vers 17h. Ouais, j'en dis pas plus. On verra tout à l'heure. En attendant, il y a déjà assez de monde comme ça à Mézère à 17h. Vous n'allez pas en plus rameuter des embouteillages. Qui aurait pu dire, écoutez cette phrase, c'est le qui a dit du jour avec lequel vous allez jouer, vous qui nous écoutez, pour tenter de repartir avec le Time's Up dans sa version family. Il suffit pour ce faire bien de vous inscrire en envoyant ces trois lettres CPS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. Qui aurait pu dire, il ferait mieux d'arrêter. Vous ferez des propositions à un auditeur, une auditrice dans quelques instants et il repartira donc avec ce fameux Time's Up, cadeau d'ailleurs à gagner sur la page Facebook de l'émission. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir nous rejoindre. Ça nous fait plaisir et ça nous fait plaisir de traiter de l'actualité de ce 6 octobre avec, le petit jeu, il a une du jour, c'est l'acrostiche. C'est parti. C'est la une. Oui, je ne sais pas pourquoi je dis le 7 octobre, parce que c'était indiqué 6 octobre sur ma conduite, en fait. Mais je devrais dire le 7 octobre. C'est celle d'hier. Oui. Voilà, rendez-la. Recycle voilà. Tout. Le mot du jour aujourd'hui, oui. C'est libre. Et c'est avec libre que nous allons jouer, avec, pour commencer, des questions en L. Alors, en L, qu'est-ce qui a subi aujourd'hui un plongeon éclair au début des échanges à la livre, Tokyo? La livre. Vous dites là, la livre sterling, effectivement, la livre sterling qui s'est effondrée ce matin à Tokyo. Alors, c'est la plus ancienne monnaie utilisée encore en circulation. Et la reine est la plus ancienne aussi en circulation. La quatrième devise la plus traitée en volume sur le marché des échanges. Alors, pourquoi on appelle ça la livre sterling? Pourquoi sterling? Est-ce que vous savez? C'est monsieur sterling? Non. Alors, en fait, je vous dis déjà... À la base, personne ne le sait. C'est pas par rapport à la ville de Sterling. Non, on dit livre Sterling juste en français. Oui, on dit pound. Oui, on dit pound. On dit pound en anglais. Il y a des voitures finalement qui sont qualifiées de sterling en anglais. Alors, je vous donne des petits commentaires de personnes qui ont peut-être une ébauche de réponse. Selon l'Oxford Advanced Learner's Dictionary, le terme serait d'origine normande et viendrait de Steora. Le premier penny portait donc une petite étoile, star. À l'appui de cette explication, le fait qu'à l'origine, eh bien, sterling désignait le penny note 3 et s'utilisait au pluriel. On parlait de livre sterling. On s'en fout, en fait. Non, mais ça va. Non, il y a plein de choses sur lesquelles on peut apprendre. Mais on va passer à la lettre. Parlons de Westphal, c'est plus intéressant. En I, un référendum sera tenu au plus tard en septembre 2017 en Catalogne. Mais à quel sujet? L'indépendance. Effectivement, le Parlement catalan a augmenté la pression sur Madrid en votant donc pour la tenue d'un référendum sur l'indépendance de la région plus tard en septembre 2017. Avec la lettre B, toujours dans cet acrostiche du mot libre. Bernard Westphal. Organisé chaque année par la Ligue flamande pour les droits de l'homme pour dénoncer la violation de la vie privée, quel prix Facebook a reçu hier soir du public et du jury? Big Brother Awards, effectivement. Facebook, grand gagnant des Big Brothers Awards. Ils ont reçu hier les prix du public et du jury lors de cette cérémonie qui est organisée chaque année par la Ligue flamande pour les droits de l'homme, la Liga voor Mensenrechten, pour dénoncer donc la violation de la vie privée. Beau joueur, Facebook est venu quand même chercher son prix. On leur donne notre vie c'est privée. C'est quoi le prix donc, on leur fait de la pub. C'est leur point en lisier. Un like. Tiens, avec la lettre R dans cet acrostiche libre. En R, quel groupe sortira un album en décembre prochain? Rolling Stones. Fred Dubus est un joueur. On ne se rend pas forcément compte, mais il aime jouer. C'est de la culture de vieux. Connaissez le nom de cet album? Le vieux vous emmène. C'est un album de blues. Blue and Lonesome. Oui, bien joué, Michael Albas. Blue and Lonesome. C'est en concert ce week-end. La langue des Stones change de couleur. Les Rolling Stones qui ont savamment mis en scène l'annonce de cette sortie de cet album. Pratique marketing dont ils sont donc, bien entendu, les pionniers. Et ils savent faire saliver leurs fans en quête de satisfaction. Rendez-vous très bientôt, donc d'ici à la fin du mois d'octobre, voire peut-être fin décembre, début décembre, ça dépend. Ouais. Avec l'âge, leur langue vire aux mots. Sortie prévue le 2 décembre. Alors, écoutez, dans cet acrostiche libre, en E, qu'est-ce que la Belgique va arrêter de frapper? La monnaie. L'euro. L'euro, oui. Ah oui, bah, en E, la monnaie. L'euro, bien sûr. Oui, Frédéric Dubus, faites attention. C'est pareil. Mais la Belgique, faites attention quand même. La Belgique qui va délocaliser la frappe de monnaie jusqu'ici effectuée par la monnaie royale. L'atelier de la monnaie royale belge doit fermer d'ici le 1er janvier 2018 et les 25 personnes qui travaillent dans cet atelier seront engagées ailleurs au sein du SPF. Alors, vous savez où est-ce que va être délocalisé normalement ces frappes de monnaie En Chine, comme tout le reste. Non. Luxembourg. Non, dans un pays d'Europe. Ah, à Grenoble, comme non, dans le en sud. Dans le sud, Espagne, non, en Portugal. En Espagne, effectivement, ce sera frappé en Espagne. Donc voilà, au niveau de l'actualité du jour, on a fait un peu le tour de la question et puis on va s'intéresser à vous dans un instant. Vous repartirez avec un beau cadeau, Time's Up, dans sa version family. Il suffira simplement de déterminer parmi les propositions que nous vous ferons qui aurait pu dire « il ferait mieux d'arrêter ». Inscrivez-vous en envoyant donc ces trois lettres CPS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. Je rappelle que Christophe de Chavannes sera avec nous dans un instant. On s'intéressera à cette tournée qui passera par la Belgique, Hache Tendre et j'allais dire Langue de Bois. Oui. Ça c'est en radio ça. Ou Gueule de Bois. C'est les primaires de la droite. Oui, c'est ça. Une tournée qui passera donc en décembre le 3 à Marchand-Famenne et à Bruxelles le 17 février. On en parle dans un instant avec Christophe de Chavannes qui sera presque sérieux avec nous. Puis je vous le disais, des petites surprises qui vous attendent également. Restez sur la première. On s'intéresse à l'actualité du jour avec France-Belgique. Une autre idée de la politique s'est vue et corrigée par Manu Di Pietro tout de suite sur la première. Dégueulasse, oui. Pour des gens, là, des gros feignants, voient rien, qui sont à charge de l'assistance. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des gauchistes. Ils sont tous communistes. C'est presque sérieux sur la première. Avec Walid. Les nouvelles tendances maquillage sont déjà chez Dee. Des coloris sublimes, des collections exclusives. En ce moment, jusqu'à moins 50%. Dee, faites-vous plaisir. Du 3 au 22 octobre, c'est les prix Qualité Pro spécial isolation chez Tout Faire Matériaux. En ce moment, la plaque de plâtre 2,60 m, 2 bords amincis, épaisseur 9,5 mm, est à 2,39 euros le mètre carré. Alors profitez-en. Gagner en savoir-faire. 2,39 euros le mètre carré, soit 3,73 euros la plaque largeur 60 cm, 7,46 euros largeur 120 cm. Et la suggestion de ce soir, la lasagne royale. Excellent, Marc. Chérie, ce soir, c'est Marco. Oh, si. Réservez un moment rien que pour vous avec Come a Casa Delicious. Trois délicieux plats italiens pleins d'ingrédients frais à réchauffer au four. Découvrez aussi les raviolis di mare et les farfalle pancetta formaggio. Des nouveautés signées Come a Casa. Apportez un peu de chaleur. Bonjour chérie, t'as bien dormi? J'ai faim de ces rêves. Raconte-moi. J'ai rêvé qu'on construisait notre maison. Oh, ça c'est plutôt un cauchemar. Ah non, on pouvait choisir tous les matériaux. La maison était construite selon nos plans, dans le respect de notre budget et des délais. Ah. Mais bon, c'était qu'un rêve quoi. Passez du rêve à la réalité avec Sibomat. Optez pour une construction sur mesure, dans le respect de votre budget et des délais. Prenez contact dès aujourd'hui avec votre conseiller en construction sur sibomat.be. Sibomat, les bons plans font les bons amis. Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que ça vous intéresse d'acheter des post-it Cap 48? Baissez vos vitres pour Cap 48. À partir du 30 septembre, achetez les post-it Cap 48 au prix de 10 euros au profit des personnes handicapées. Cap 48, pour que le handicap ne soit plus un handicap. Avec le soutien des Lions, Trends Tendance et l'avenir.net. La première. Mobile Info. 16h18, que se passe-t-il sur nos routes? La réponse tout de suite avec Pierre Collard-Bovy. Bonjour Pierre. Bonjour Olivier, bonjour à toutes et tous. On a quelques piétons qui se baladent sur la 54 Nivelles Charleroi, hauteur de Gosty en direction de Charleroi. Ouvrez l'œil simplement. Quelques ralentissements dans les tunnels de la capitale. Sur le ring de Bruxelles, ça s'épaissit. 25 minutes supplémentaires pour l'extérieur Zaventem Grand Bigard, plus 14 pour l'intérieur Zaventem Carrefour Léonard et plus 12 pour l'extérieur Grand Bigard. Au titre, un accident est à signaler sur la 600 de Long-Saint-Chêné à hauteur de Liège-Guimel. La bande droite est encombrée en direction de Chesnay. L'accès est fermé en direction de la gare des Guillemins. Puis sur le 40 Bruxelles avec la Chapelle, ralentissement en hauteur de Cherat. Une petite dizaine de minutes perdues dans les deux directions. Toujours ces quelques ralentissements également sur le 25 Maastricht-Liège entre Visé et Cherat vers Liège. Et puis 15 minutes perdues sur le 17 Gand-Lille entre Réquiem et Neuville-en-Ferrain en France. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. La première avec Walid, c'est presque sérieux. 16h, presque 20 minutes. Merci de passer cette fin de semaine à l'écoute de la première, une heure et demie autour de l'actualité avec un invité presque sérieux dans un instant. Christophe Deschavannes sera avec nous. Nous jouerons ensemble au qui a dit également il le ferait mieux d'arrêter. Qui aurait pu prononcer cette phrase? À la clé pour vous, le Time's Up dans sa version family. On remercie d'ores et déjà la maison d'édition, belge d'ailleurs, Reproductions, qui vous offre ce jeu. Inscrivez-vous en envoyant donc ces trois lettres CPS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. Parlons de l'actualité justement, où on s'approche des élections dans de nombreux pays occidentaux de premier plan, mais chez nous, la vie politique est un long fleuve tranquille, où pas un mot ne dépasse, où l'on préfère fouetter avec de la soie plutôt que donner des coups de poing dans la face, n'est-ce pas Manu Di Pietro? Mais tout à fait, chers collègues et chers publics, cette année est riche en musculation préélectorale. Bon, pas chez nous, comme vous le disiez, hein. Il n'y a jamais vraiment de suspense, puisque avec le chocolat, les quartiers situés en Arabie Saoudite et les pédophiles, nous distinguons par notre classe politique consanguine au dernier degré. À mon avis, il y a plus d'hémophiles dans les grands partis belges que dans toutes les familles royales d'Europe. Et ce n'est pas l'article paru le mercredi 5 octobre dans La Libre qui va y changer quelque chose. D'ailleurs, on annonçait clairement la couleur. Le titre de l'article, c'était « Romance politique entre Magnette et Michel ». C'est moins explicite qu'un titre plus accrocheur, comme on pourrait en trouver sur certains sites, comme « Homme mature bien membré se tripote en public ». Mais on comprend qu'il y a de la soupe de langue là-dessous et pas seulement de la théorie politique. Ce n'est pas un portrait croisé, ce sont des préliminaires d'adolescents. Paul, te voici. Il me tardait tant que tu arrives. Charles. Rien n'aurait pu m'arrêter. Pas même la grève d'aujourd'hui. Tu n'y es pas allé ? Enfin, Charles. Tu m'as pris pour un de ces voyous du PTB ou quoi ? Grand fou. Je suis socialiste, moi, pas curé chez les pauvres. Ils ont voulu caillasser mon Audi A8, mais comme j'en ai trois, j'ai su les feinter. Ils ont vu que du feu. Ils sont un peu cons, PTB. Et puis... il me tardait tant de toucher ce chaud et lisse, ce crâne. Je suis certain qu'il porte chance, comme le singe de Mons. Arrête de parler de Mons, ça me fait penser à ta belle-mère. Pardon, Charles, mais je deviens fou. Je te veux. Je veux te sentir, je veux que ta barbe et ma barbe griffent nos visages. Faisons velcro. Arrête, tu sais bien que j'ai les mains liées. Je me suis mis en ménage avec ce flamand nouveau riche. Là, je vais devoir supporter son ex à la maison qui rentre d'un Erasmus à Harvard. Si je pars, je perds tout. Et dans ce cas-là, mon père voudra me recaser avec le bastonnière qui pue des pieds et qui est pauvre comme un écolo. Ah, Benoît, oui. Nous aussi, on essaie de le faire dégager des sièges qui squattent à la région wallonne, mais elle est coriace, la pipe d'Ardenne. Oh, Paul, tais-toi. Donne-moi la main et allons répondre aux questions de la presse. Et... par contre, en France, on n'en est plus là. La preuve avec Alain Juppé, le meilleur d'entre eux, le probable candidat de la droite à la présidentielle de 2017. Il ressemble à un vieux galet mazouté de plage bretonne, comme ça. Mais en fait, c'est un thug. Il ne se laisse pas faire, il est là pour mettre des coups dans la gueule. D'ailleurs, il a sorti une chanson de campagne qui est assez rentre-dedans. C'est une reprise, je suis certain que vous connaissez, Walid. Ceux qui osent me critiquer, je les emmerde. Vous étiez très proche de Nicolas Sarkozy, vous n'avez pas convaincu. Je les emmerde. Je les emmerde. Voilà, une approche un peu plus agressive qui, on l'espère, va inspirer les nôtres parce qu'on dort un tout petit peu pour le moment. Ouais, un peu bling-bling à la Sarkozy, là. Tout à fait. Et il a sorti la voiture, la chaîne en or, le training, la casquette à l'envers. Merci Manu Di Pietro pour cette chronique que vous allez retrouver sur le rtbf.be/ovio. Dans un instant, eh bien, on aura droit à un qui a dit. Ah ouais, qui a dit il ferait mieux d'arrêter. Carrément. Ce sera à vous de le déterminer. Le temps pour nous d'écouter Cocoon avec I Can't Wait. Le temps pour vous également de vous inscrire en envoyant ces trois lettres, donc CPS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse pour repartir avec un Time's Up. Qui aurait pu dire il ferait mieux d'arrêter? Vous êtes presque sérieux sur la première et dans quelques minutes, Christophe Deschavannes sera avec nous. Strawberries, chantilly cream, gingerbread, for every meal, chili dogs, a soccer team running up and down the hill. We won't care about the winter, we won't care what the neighbors say, we'll sing all the time. I can't wait to see the summer. Pies, sexy mummy, small guitars, sugar daddy, lullabies, sleepy Yuki, the perfect place to be. We won't care about the winter, we won't care what the neighbors say, we'll sing all the time. I can't wait to see the silver. Extrait de l'album Welcome Home, Cocoon sur la première, I Can Wait. Hey, Raoul, ça fait du bien. On s'informe à 16h30 avec Pierre-Yves Meugens et il nous informe à sa manière. C'est Raoul Reyers avec quelques petites dépêches. D'accord. Ouais. Dites, quand vous êtes. Aujourd'hui, il faut l'avouer, vous êtes arrivé un peu plus tard. Excusez-moi. Et quand on rentre dans le bureau vers 15h30, alors que la cellule, c'est presque sérieux, a phosphoré depuis l'aube, ça sent quand même le soldat le 14-18 coincé dans sa tranchée pendant un mois. Ouais. Hein, on est bien d'accord. Ouais. Même dans ce studio, quand on y arrive à 16h, ça sent encore l'homme politique du matin. Oui, on a parfois envie d'allumer une bougie entière. Eh bien, j'ai le truc un peu branché qui va rendre notre espèce de travail un endroit super branché. Vieux. La bougie à l'odeur de Mac 9. Mais je sais qu'il n'y a pas un Mac 9, il y a un iPhone 7, mais un Mac 9, c'est un Mac nouveau. Oh oui, d'accord. Okay. Donc, comme c'est l'intérieur de voiture. Ouais. C'est l'odeur du Mac qui sort de sa boîte. Chérie, qu'est-ce qu'on est bien, on se croirait à l'Apple Store. Évidemment, quand on va rouvrir les yeux, on va retomber sur le Windows 7 du PC du studio. Qui plante, s'il démarre. Qui plante. Comme on dit chez moi, on aura eu bon un moment. Oui, bah, ça sent la frigolite. Hein. Allez, notre petite info, Raoul. Valdir. Oui. Je pense que c'est un nom d'emprunt. Oui. C'est encore un Valdir à qui ? Oui, c'est ça. Valdir à qui ? Eh bien, Valdir, c'est un grand fan de culturisme et il s'injecte des produits dans ses biceps, ses épaules et sa poitrine, avec un résultat pas vraiment esthétique et je dirais même accablant. Oui, ça, on dirait l'incroyable Hulk, mais en mauve. Et fondu. Et Valdir explique à un copain, m'a dit qu'il avait un moyen pour que les muscles grossissent encore plus vite. Et il a expliqué aux médias locaux, Valdir, les médecins disent que je dois arrêter, mais je continue. Bon, je risque une amputation ou la mort, mais ça vaut quand même la peine. Quoi. Et il s'injecte quoi ? On ne sait pas très bien, c'est des produits un peu illicites à mon avis, mais si je peux donner ma petite touche personnelle à Valdir, termine-toi la mayonnaise, Valdir. Tu seras plus louisant et tu feras encore plus. Il a consommé pareil que Bart de Wever pour perdre 200 kilos en deux jours. On mettra la photo de ce Valdir d'ailleurs sur la page Facebook de l'émission. C'est assez impressionnant. Merci Raoul pour ces petites infos. On joue ensemble au qui a dit dans un instant. Qui aurait pu dire il ferait mieux d'arrêter des propositions que nous vous ferons bien entendu. Soyez des nôtres, ne bougez pas, on s'informe avec Pierre-Yves Meugens tout de suite. Venez vivre la magie du feu et de la lumière au domaine provincial de Chevetogne lors de la nuit du feu des abonnés. 5 feux d'artifice, des spectacles et des ambiances féeriques. Venez en prendre plein les yeux le samedi 15 octobre dès 19h. Attention, accès réservé aux abonnés du domaine. Info, domaine-de-chevetogne.be. Avec Stuve et votre journal 7 dimanche. Vendre en viager, c'est bien moins compliqué qu'on ne le croit. Le spécialiste de Trévi Viager m'a tout expliqué. Et aujourd'hui, ma maison est vendue. En plus, le paiement de ma rente est garanti par une assurance. Je peux pleinement profiter de la vie, et sans souci d'argent. Trévi Viager, faites confiance à des professionnels. 02 343 22 40. Le Brabant Wallon présente le livre tout proche, à la rencontre des auteurs du Brabant Wallon. Au programme, rencontres, dédicaces et animations pour petits et grands, ce dimanche 16 octobre, de 12h à 18h, au Château de la Hulpe. Entrée gratuite au salon et à la Fondation Follon. Info, brabantwallon.be. 3, allez Patrick, 2, pas trop tôt, hein. 1 et go. N'attendez plus que la nuit tombe. Profitez du tarif de nuit aussi pendant la journée. Devenez client chez Essent.be et recevez jusqu'à 3 ans le prix de l'énergie de votre facture d'électricité au tarif de nuit. Infos et conditions, Essent.be. Cuisine Ixina. Qu'est-ce qu'écoute un conseiller Ixina? Le bruit des feuilles qui tombent? Non, il vous écoute parler de votre rêve et de votre budget. Cet automne, Ixina vous propose des cuisines 5 étoiles et leur promo 5 étoiles. Ne les manquez pas. Conditions sur Ixina.be, c'est bien pensé. Parce qu'une Jaguar est faite pour être admirée. Jaguar Drogen Boss fait tout pour garder votre voiture en pleine forme. Achetez une Jaguar de stock et recevez 3 ans de garantie et 3 ans de carrouage et d'entretien gratuit. Allez vite chez Jaguar Drogen Boss et choyez votre nouvelle Jaguar grâce à ce triple cadeau. Offre valable également chez Jaguar Brussels à Zaventem et Waterloo. Le non-gardiste place ses économies à perte. Non, ça ira mieux l'année prochaine. Résolument non-vicieux, il ne finance que la non-novation. Non, trop risqué. Pour lui, l'avenir, c'est... Non. Aujourd'hui, pour contourner les non-gardistes, il y a mymicroinvest.com, la plateforme qui vous permet d'investir dans des startups belges visionnaires. Et ceci à partir de 100 euros. Mymicroinvest.com. Dites oui aux entreprises de demain. La première. 16h30. Pour vous informer, Pierre-Yves Meugens, bonjour. Bonjour, le frère de l'homme qui a poignardé deux policiers cette semaine à Scarbeck est placé sous mandat d'arrêt. Et il est inculpé de participation aux activités d'un groupe terroriste. Son frère, l'auteur de l'agression, lui a été inculpé hier pour tentative d'assassinat dans le cadre terroriste. Cet ancien militaire n'a émis aucune revendication, aucune arme ni explosif n'a été découvert chez lui. Le bilan semble sans fin. Plus de 400 personnes sont mortes lors du passage de l'ouragan Matthew sur l'île d'Haïti. Chiffre donné par un sénateur, le décompte reste provisoire. Beaucoup de zones sont encore très difficiles d'accès. L'ouragan frappe à présent la Floride. Il est accompagné de pluies torrentielles. Les rues sont désertes, mais jonchées de branches et autres débris. Nous ferons-y le point dans Soir Première et dans les journaux sur les perturbations liées aux différentes actions menées aujourd'hui. Et d'abord, cette nouvelle journée d'action bleu, vert, rouge. Les syndicats se sont fait entendre une nouvelle fois. Peu de bus aujourd'hui à Liège, Charleroi, La Louvière. Des avions retardés à Zaventem. Des administrations fermées. Et cette manif du secteur public dans le fief de Charles-Michel, c'était ce matin à Wavre. Merci Pierre-Yves Chemin, il termine comme à l'école, avec un point à la fin de la phrase. Point à la ligne. Merci Pierre-Yves de nous avoir informé, retour de l'info justement tout à l'heure à 17h avec Diane Burgel-Vernet. D'ici là, restons presque sérieux. C'est presque sérieux, sur la première 16h-17h30, avec Walid. Direction Charleroi, accueillons Kevin. Bonjour Kevin. Bonjour Walid. Vous allez bien ? Très très bien, et vous ? Ah, bah écoutez, ravi de vous avoir avec nous. Vous êtes gérant d'un établissement. Tout à fait. On ne dira pas lequel. Établissement non. De quoi exactement ? Illicite, arrête. C'est une taverne. Une taverne et magasin de bonbons. C'est-à-dire que vous pouvez bourrer et avoir des caries. Faites la petite restauration. Voilà. C'est bien. En tout cas, tu commences au magasin de bonbons, tu finis à la taverne. Voilà. C'est l'appel d'offre. Petit, voilà, l'appel tu connais ton avenir. Kevin, nous jouons ensemble avec l'actualité de ce 7 octobre avec une phrase. Cette phrase, la voici. Il ferait mieux d'arrêter. C'est dans la presse de ce 7 octobre. Mais qui aurait pu la prononcer, cette fameuse phrase ? Eh bien, voici vos propositions du jour pour tenter de repartir avec le Time's Up dans sa version family. Mani Di Pietro, il faudrait mieux d'arrêter. Mais de quoi ? Eh bien, de picoler. Donc, c'est Thierry Ardisson qui parlait de Benoît Poulvord qui s'est laissé à quelques indiscrétions sur le milieu de la télévision dans l'excellent magazine SoFilm. Thierry Ardisson pour Mani Di Pietro. Michael Albas. Eh bien non, c'est Alfred Nobel qui est sorti de sa tombe pour dire cela à son comité, le comité Nobel. Il ferait mieux d'arrêter de donner le prix Nobel de la paix à des gens qui réussissent presque à assurer la paix. Après Arafat et Peres qui avaient presque réglé le conflit israélo-palestinien, Obama qui avait presque fermé Guantanamo, voici Juan Manuel Santos qui a presque fait la paix avec les FARC et qui n'est presque pas corrompu. Alfred Nobel pour Michael Albas. Vincent Flibustier, qui aurait pu dire « il ferait mieux d'arrêter » C'est notre invité Christophe de Chavannes qui parle évidemment de ces vieux chanteurs, mais vu qu'il peut encore en profiter un peu, voilà. Heureusement, il n'est pas encore arrivé. Voilà. Tu vas casser la gueule. Toi, tu peux en profiter un peu encore. S'il nous écoute, on l'embrasse. On va demander à Fred Dubus qui aurait pu dire il ferait mieux d'arrêter. Ben c'est à peu près ça. J'en profite aussi qu'il ne soit pas là, mais c'est vous qui l'avez dit à propos de Christophe de Chavannes. <tout à l'heure. rire> Moi-même, d'accord, ok. Raoul Reyer, s'il ferait mieux d'arrêter. Bien non, c'est à la fin de ce procès, tout le monde était un peu ému et c'est Safia Westphal qui a dit ça de son papa. Il ferait mieux d'arrêter de pleurer, sinon il va se déshydrater. Safia Westphal. Vous savez qu'il a beaucoup pleuré. Ah, écoutez, c'est un moindre des choses. Hein. Alors, Kevin, il ferait mieux d'arrêter. Thierry Ardisson, Alfred Nobel, Christophe de Chavannes, moi-même ou Safia Westphal. Désolé, mais je crois que je vais vous éliminer. Ça fait des années que j'attends que quelqu'un le fasse. On en a encore besoin une heure. Il y en a qui se rendent compte. Hein. Donc voilà, c'est fait. Ok, il reste. Thierry Ardisson, Alfred Nobel, Christophe de Chavannes ou Safia Westphal. Sacha Westphal, non. Non. Nobel, non plus. Non plus. Ah, il en reste deux. Il en reste deux. De Chavannes, je ne le vois pas bien dire ça. Il est un petit peu trop sympathique. Donc, il ne reste plus que la première proposition. Thierry Ardisson, que vous n'aimez pas, donc, hein, si j'ai bien compris. C'est moins sympa. Un petit peu moins. Et c'est effectivement la bonne réponse, Kevin. Il faut qu'il arrête, c'est à propos de Benoît Poulvorde. Poulvorde qui se paye Ardisson, qui lui demande d'arrêter de picoler, et fidèle à lui-même, donc Benoît Poulvorde balance sans filtre sur les stars du petit et du grand écran. Et l'homme en noir, c'est comme ça qu'on surnomme Thierry Ardisson, répond. Une interview avec Benoît Poulvorde, c'est toujours un moment à part, surtout s'il a passé la nuit précédente à siroter des Bloody Mary. Avec lui, c'est cash. Le rêve pour un journaliste, moins pour ses partenaires, car il ne leur déroule pas nécessairement le tapis rouge. La preuve avec son interview accordée à Sophie. Film. Isabelle Huppert, sa partenaire de Mon pire cauchemar, n'est pas habituée à se faire titiller de la sorte. Il dézingue également à la télé avec Laurent Ruquier et Thierry Ardisson, forcément, qui s'en prend, qui se prend une veste. Ça va encore, Thierry Ardisson, ça va encore, c'est gentil. Il le traite de cynique. Ouais. Et c'est surtout, c'est plutôt gentil. Quoi. C'est plutôt gentil. Mais et c'est lui qui balance en fait. Mais, c'est bizarre parce que ça aurait pu être Isabelle Huppert. Ouais. Mais voilà. Se regarde tout le temps partout, même quand il y a un rétroviseur. On embrasse quand même notre Benoît Poulvorde national. C'est gagné. Kevin, vous repartez avec le Time's Up dans sa version family que nous vous envoyons du côté de Charleroi. On salue tous ceux. Vous nous écoutez dans votre taverne c'est ou pas? Super gentil. Malheureusement non, parce qu'avec les trains il y a des perturbations. Ah. Je vous écoute tous les jours dès que je rentre et tous les matins en démarrant à 5h à la rediffusion. Ah bah parfait, bah écoutez, restez nous fidèles, restez c'est presque chouette, sérieux, Kevin, restez avec nous car dans un instant Christophe de Chavannes sera avec nous, on parlera d'âge tendre à la tournée des idoles qui passera par notre beau royaume. Deux dates, on vous en parle dans un instant, le temps pour nous et à Fred Dubus de nous parler du dessin qu'il n'a pas commis cette semaine. Qui se souvient de ce morceau? C'était riche. Ah. Qui se souvient de ce morceau? Personne. Eh bien, Carole a dansé tout l'après-midi là-dessus. Oh là, je crois que je n'étais pas né. C'est très bon, c'est très bon. Fred Dubus, le dessin de cette semaine, l'actualité a été chargée. Le dessin que vous n'avez pas voulu faire ou presque fait. Eh bien, le dessin que j'aurais presque pu faire, ça aurait pu être un genre de pot-pourri. De pot-pourri, de tas de choses. Vous savez, je vais vous donner un truc. Dites-moi. Un truc de caricaturiste. Quand vous n'avez pas une bonne idée qui tient la route, vous en mettez plusieurs petites idées insuffisantes ensemble pour faire un genre de fresque. Et ça fait voilà, un genre de dessin. C'est un petit peu comme le principe de la tournée H tendre et tête de bois. Vous avez un ringard qui ne remplit pas de salle, donc on en met 20 et on remplit une salle. D'accord. Voilà, ça fait le boulot. Donc. Ça commence bien. Il n'est pas encore il là. Est pas on peut encore y là. Aller. Mais il est dans l'ascenseur et on diffuse l'émission dans l'ascenseur. Parfait. Voilà. Ça y est. Il est là ? Non, pas encore. C'est pas ça, ça, je peux terminer. De toute façon, il n'y a plus d'allusion à lui. Alors, j'aurais pu faire un truc sur les séries belges. Par exemple. Ah, les oui. séries belges qui cartonnent, vous voyez. Alors, forcément, quand on cite séries belges, on cite toujours La Trêve. Hein. Après ça, on ne sait plus. On aurait pu dire 7e ciel Belgique. Oui, moi, exemple. Je préfère. Ouais. Et on peut décliner le concept comme ça. Voilà. Alors, après La Trêve, on aurait La Grève. Hein, le feuilleton, un feuilleton qui raconte l'histoire sombre d'un leader syndical tourmenté, vous voyez, 650 épisodes. Et puis il pourrait y avoir La Crève aussi, ça c'est l'histoire sombre d'un homme tourmenté, c'est toujours sombre et tourmenté, hein, qui bosse chez Caterpillar et qui avait un emprunt hypothécaire chez ING par exemple, qui vient d'apprendre qu'il a la grippe aviaire. Voilà, ça pourrait tourner par les frères d'Ardenne. Sinon, après, La Glande. C'est l'histoire sombre d'un secrétaire d'État tourmenté qui s'ennuie, qui décide d'aller chasser les Pokémon aux États-Unis. Voyez. Il n'y a qu'un épisode, mais il est très long, et alors il coûte 212 000 euros. Et alors, je suis pas le dernier, Assassin. Excellent titre. Hein, ça, c'est l'histoire sombre d'un ex-homme politique tourmenté qui trouve que les médias s'occupent un petit peu trop de son procès et qui le dit dans un livre qu'il publie le lendemain de son procès. Voilà. J'en ai encore d'autres comme ça, mais je vais vous laisser. Mais non, mais si vous allez inspirer les autres caricaturistes. En fait, c'est pas si mal, je crois que je vais arriver. Ben oui, bien sûr. Fred Dubus, c'est son presque dessin. Merci en tout cas à vous d'être presque sérieux sur la première. Dans un instant, on aura Christophe de Chavannes qui viendra nous parler de cette tournée, la tournée des idoles. Alors, on va retomber en enfance. Hein. Il y a du Gérard Lenormand, il y a du Michela. En pré-enfance. On hein. s'intéressera oui. également à ces fameuses stars qui font parler d'elles dans cette tournée. Tournée qui passera par la Belgique d'ailleurs. Hein. Je vous rappelle les dates. Deux dates. La première au Il y a déjà deux femmes derrière. De Marche en Famène. À mon avis, il ne va pas tarder. Le samedi 3 décembre et à Bruxelles, à Forêt Nationale, le 17 février. C'est comme Kadhafi. Hein, il est La deux gardes du corps. Ça m'attend. Ah, on va s'amuser, on va rigoler presque sérieusement avec un invité qui vaut le détour. Il nous parlera d'ailleurs, puisque c'est le producteur de cette tournée, Ash Tendre, la tournée. Ah, mais il est là, il est derrière, j'avais pas vu. C'est 10 ans. On en parle dans un instant. Le temps pour nous de faire un point sur vos conditions de circulation. Et attention, vers 17h, il y aura une petite surprise. Justement, je vous en parle juste après ceci. À tout de suite. C'est presque sérieux sur la première. Où est la plus grande foire au vin de Belgique ? Chez Cora ! Je vois que tout le monde est d'accord avec moi. La foire au vin, c'est chez Cora. Ou sur corawine.be. Avis aux gourmets, jusqu'au 16 octobre, ce sont les 10 jours shopping chez Picard. C'est donc le bon moment pour faire le plein de produits à moins 30%, comme le tartare de Saint-Jacques, le foie gras ou encore la tarte aux framboises. Retrouvez toutes nos adresses sur picard.be. Picard, chaque jour un goût nouveau. En octobre, au bon repos, comblez toutes vos envies. Alors, vous êtes plutôt du style lève-tôt, grasse mat, sieste, dans un lit bien douillet, un canapé-lit ou un relax, dans des draps soyeux sous une bonne couette, le tout rangé dans un beau dressing? Profitez maintenant de 18% de remise au Bon Repos. 18% pour combler toutes vos envies et créer votre propre style. Aubonrepos.be, place de la Chapelle à Bruxelles, à deux pas du Sablon. Parking privé. Ouvert ce dimanche de 10h30 à 17h30. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Je vous attendais. Voilà, entrez. Oh non, je n'ai pas le temps madame. Comment mais... Non, non, j'ai encore beaucoup de maisons à faire. Alors je vous propose le calendrier des pompiers. Vous n'avez pas visité la maison ? Non, non madame. Ils sont bien hein ? Un peu de sérieux. Pour vendre ou louer efficacement votre bien par vous-même ou via un professionnel, ImmoWeb est la solution. ImmoWeb, le site immobilier préféré des Belges. Connections a 30 ans. Fêtez ça avec nous et découvrez le monde à partir de seulement 300 euros. Attention, cette offre n'est valable que jusqu'à demain soir. Surfez vite sur connections.be. La première. Mobile Info. À 16h41, que se passe-t-il sur nos routes? La réponse tout de suite avec Pierre Collard-Bovis. Ouais, quelques ralentissements habituels dans les tunnels de la capitale. Sur le ring de Bruxelles, notez ces 26 minutes supplémentaires pour l'extérieur Zaventem Grand Bigard. 15 minutes en plus pour l'intérieur Zaventem Carrefour Léonard. Et plus 12 minutes pour l'extérieur Grand Bigard au titre. Toujours en cours l'accident sur la 600 de Long Saint-Chenet à hauteur des Guillemins. La bande droite est encombrée en direction de Chenet. On rappelle que l'accès est fermé en direction de la gare des Guillemins. Toujours des ralentissements également sur le 40 Bruxelles-Aix-la-Chapelle. La ralentissement à hauteur Aix-la-Chapelle, Bruxelles, Bruxelles-Aix-la-Chapelle, à hauteur de Chérat. Une petite dizaine de minutes perdues dans les deux directions. Et puis sur le 25 Maastricht-Liège, également dans la zone de travaux entre la frontière hollandaise, néerlandaise et Chérat, vous ralentissez en direction de Liège. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. C'est presque sérieux sur la première. Et ça y est, il est avec nous, Christophe de Chavannes. Quel plaisir de vous accueillir pour passer un moment presque sérieux. Christophe de Chavannes, qu'on connaît grâce à la télévision, animateur, producteur d'émissions. On lui doit acheter pépère, on lui doit bonsoir, bonsoir, bonsoir. On lui doit sortir couvert. C'est toutes les citations que j'ai sur Christophe de Chavannes. Pas trompé Cardisson ? Non, non, non, c'est Christophe de Chavannes qui est avec nous, qui vient nous présenter. Et nouvelle corde à votre arc, mon cher Christophe, c'est Ash Tendre, la tournée des idoles. Ouais. 10 ans, vous êtes producteur de ce petit bijou, ce petit bébé qui fête ses 10 printemps, contrairement bébé, à... Non, on ne va pas la faire, celle-là, pas non, maintenant. Ça, non, on non. sera tout à l'heure. Non, contrairement mais... à qui ? pas à vous. Hein ? Je ne sais pas où elle est où la blague. Non, mais elle viendra après. Christophe de Chavannes, 10 ans, Ash Tendre, la tournée des ouais. idoles. On va vous donner une minute, c'est une tradition, mais avant de vous donner cette minute... Il faut que je me démerde tout seul. Alors attendez, je vais vous expliquer. Très bien. D'abord, est-ce que vous jurez d'être presque sérieux ? Non. Non. Non. Il n'a pas envie d'être presque sérieux. Non. Non, non il a déjà fait changer trois spots dans un studio de radio. Non. Puis quand je vois un peu comme vous êtes vous, il est hors de question que je sois sérieux. Hein. Ah ben ça me fait plaisir que vous le disiez, puisque c'est effectivement le principe de cette émission. Christophe de Chavannes, une minute. Vous allez donner envie aux auditeurs de la première. Vous allez nous donner envie, nous, de venir applaudir Gérard Lenormand, Sheila, Hugo Frey, les Rubettes, Linda D'Souza, que ce soit le 3 décembre au WEX de Marche en Famène ou le 17 février à Bruxelles, à Forêt Nationale. La minute, elle est à vous. Elle est offerte gracieusement par la première. Alors, je vais vous dire, je suis déjà absolument incapable de vous répéter les dates tout de suite, car je ne veux pas le faire, car vous venez de les donner. Voilà. C'est donc le 3 décembre et le 17 février. Ça tombe très bien, parce que le 17 février, figurez-vous qu'à Bruxelles, nous fêterons la dernière de cette tournée, qui est un barnum absolument incroyable, pour lequel je me suis décidé d'une manière assez rapide, en une demi-heure, en rencontrant un type qui venait de me dire « Tiens, j'ai récupéré ça, mais je ne sais pas trop quoi en faire, j'ai besoin d'un producteur. » Et il m'a raconté pendant une petite demi-heure ce qu'était la tournée Achtante, que je connaissais évidemment, parce que j'étais allé la voir tout à fait par hasard, 3 ans auparavant, au Mans, qui est une ville de la Sarthe, du côté de chez nous, là-bas. Il gagne du temps. Parce que ce que je veux, il faut que je donne envie aux gens de venir le voir. Ah ouais. Je peux vous dire que c'est un vrai spectacle, voilà. C'est pas un gala où se succèdent des chanteurs qui viennent, qui grimpent avec leur guitare et qui s'en vont. Il y a un orchestre en live, il y a un directeur photo qui a fait des lumières de fou, il y a une décoratrice qui a fait un décor génial, il y a un metteur en scène, celui notamment qui a fait les Miss France les 2 dernières années, qui ont cartonné, Stéphane Jarny, qui a fait une mise en scène, qui fait encore une mise en scène. Tout le monde y bosse, j'y bosse, mes équipes y bossent. Je vais vous dire, plus on est de fou, plus on rit, et si on veut que ça continue, il faut venir la voir. Et bien, en tout cas, vous avez réussi, vous m'avez donné envie de retourner au Mans. Le 3 décembre et le 17 février, Bruxelles, à Forêt Nationale. Alors, c'est vrai qu'il y a pas mal de grosses pointures. Gérard Lenormand, moi j'ai grandi avec Gérard Lenormand. Ah bon, et ses chansons. Ah bon. Oui, c'est ça. avec Sheila, avec Hugo Frey, avec Linda de Souza, toutes des chansons. Les Rubettes. Un univers. Les Rubettes aussi, oui. Au Bonheur des Dames. Aussi, Christian Delagrange. Aussi. Et les Rolling Stones. Est-ce que vous connaissez Christian Delagrange? Non, pas les Rolling Stones. Je vais vous faire un quiz yéyé dans un instant. Ah non. Ah si. Oh, on va poser des questions par rapport un à tout quiz. Ça. Alors attendez. Combien il y aura de questions? 8. Non. Alors là maintenant, c'est toutes les questions qu'on n'a jamais osé vous poser. Et je vais me lancer en fait. C'est une première. Lancez-vous, allez. Oui, c'est des questions qu'on n'a jamais osé vous poser, Christophe de Chavannes. Qu'en savez-vous? Bah, vous allez voir. Personne n'a fait osé gaffe vous quand poser même. Hein. Non. Ah, je m'en fous de ce téléphone, je peux le jeter. Mais gardez-le parce qu'on va en avoir besoin. On peut l'offrir à l'antenne. Je sais que en plus de ça, vous êtes un homme généreux. C'est vrai. Vous êtes un garçon très émotif. Mais qu'est-ce que c'est que cette musique de merde? Il va y avoir une prise d'otage tout à l'heure, je sens. Vous savez ce que c'était ça, cette musique? C'est les dossiers de l'écran. C'est pas encore le quiz. Dommage. Posez vos questions, Walid, on n'en sortira pas. Les questions qu'on n'ose pas poser. Allez-y, Christophe Walid. De Chavannes sur cette tournée Achtendre, la tournée des idoles. Est-ce que pour être hype, Linda de Souza a recyclé sa valise? En carton, on n'est pas obligé de répondre. La valise en carton était un écrit et non pas une chanson. Et j'espère qu'elle va l'emporter avec elle. Alors, pour Achtendre et Gueule de Bois, vous prendriez Renaud ou Depardieu? Ah, je rentre pas là-dedans, moi. Ah non, mais je rentre pas là-dedans, vous savez pourquoi? Parce que j'ai un grand respect pour les gens qui teasent un peu, parce que c'est pas une rigolade. Je sais. Donc Depardieu chante mieux. Si vous deviez faire une tournée Achtendre et Langue de Bois, quelle politique vous prendriez? Tous. Celle de l'autruche. On utilise souvent le qualificatif du siècle. C'est pas facile à dire. Hein. Le qualificatif. Et l'orthophoniste, tu peux quoi, pas être de du siècle hein. Pour qualifier quelque chose d'extraordinaire. Alors vous, votre spectacle, on peut carrément le qualifier du millénaire. Non, du siècle, c'est bien. De la décennie même, je m'en satisferai. La tournée aurait-tu pelle. Mettez ça sur la table. On va faire le tri un peu. La tournée il débute, il est face à un grand professionnel. Est-ce que la tournée aurait pu s'appeler On the Robe Again? Oh la vache. Et comment tu veux que je réponde aux questions? Oui ou non? Oui. C'est pas des questions, c'est un exercice de style en fait. Quel artiste était le plus motivé à l'idée d'en remettre une couche? Une louche. Une couche. Une bouche. Une touche. Une mouche. Ou une douche. Oui. Est-ce qu'il y a un artiste que vous auriez voulu avoir et qui n'est pas venu? Oui. Il est décédé. Je n'ai pas pu l'en empêcher. Sacré des mises roussos. Une tournée partout, on le disait, en France, en Belgique. Mais est-ce que vous prévoyez une tournée dans mon dentier? Dans votre dentier? Je vais vous dire, j'y réfléchis sérieusement. Et quand je vois... Dans la façon dont vous exprimez avec un peu de difficulté, je pense qu'un tout petit peu de nettoyage ne lui ferait pas de mal. Non mais ça c'est parce qu'il fait un AVC, c'est pas grave. Ouais. Alors, est-ce que vous prévoyez de faire une tournée au Stade de France? Vous êtes totalement cintré, hein, donc hein, je suis, on m'a dit bienvenue chez les fous, oui, donc je suis ravi d'être là. C'est nous. La réponse est oui. Est-ce que si vous faites le Stade de France, vous feriez un calendrier les vieux du stade? Il est déjà fait. Donc je suis désolé. Ils sont habillés, rassurez-nous. Non. Non, c'est à Walp. À Walp, les Yeuves. Et d'ailleurs, ça s'appelle à Walp, les Yeuves. Bah oui, et on l'appelle ça les Roupettes. Christophe de Chavannes, et presque sérieux, Christophe, on va vous dresser votre portrait tout de suite. Et c'est Michael Albaz qui va s'y coller. Alors, Christophe, vous aimez les défis? J'ai pas envie de me battre. Non, on va pas se battre. Alors, vous savez que la RTBF organise ce week-end une grande opération de solidarité. Décidément. Ah non, mais c'est avec les mauvais. Ça m'est jamais arrivé. Non, c'est vrai. Il suffit que je sois en face de Christophe de Chavannes. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi je bafouille à ce point-là. Parce que vous n'avez pas bu depuis longtemps de l'eau. De l'eau. Aussi, il boit beaucoup de café en poudre. C'est parce qu'il y a très longtemps, quand j'ai démarré ce métier, c'est à vous qu'on m'a comparé. Et ça parce que je bafouillais aussi. La bave du crapaud dégueu. J'aime bien. On aurait pu vous comparer à Arthur, alors. Mais je l'aime bien. Que des fleurs. Joker. Christophe de Chavannes est presque sérieux. On vous dresse votre portrait tout de suite. C'est signé Michael Albaz. Chavannes, t'es un salaud. T'es un salaud, Chavannes. Non. Presque sérieux sur la première. Et c'est donc Michael Albaz qui s'y colle. Oui, non plus. Avant qu'il démarre, parce que je ne veux pas l'interrompre, qu'est-ce que c'était que ce son? Ah, c'était vous? Ben oui, mais où? L'archive. Ah, l'archive. Non, pas le slip, c'est pas moi ça. Si. Si vous dites ça à Jean-Luc Lahaye. Je ne rentre pas là-dedans. Ah, c'est la vérité. C'est la vérité. Au contraire de Jean-Luc. Oui, j'ai totalement vrai. J'ai dit ça à Jean-Luc Lahaye, non, pas le slip. Vous avez fait des conneries dans le Alors je ne me rappelle pas de tout, heureusement. Eh bien, on va vous rafraîchir la mémoire avec d'autres extraits sonores. Vous verrez dans un instant le temps pour Michael Albaz. Brandini. De parler de vous. C'est parti, Michael Albaz. Le portrait que nous dressons de notre invité. Trop vieux. Presque sérieusement. Trop vieux. C'est parti. Christophe de Chavannes, bonjour. Mm-hmm. Petit, vous vouliez être cascadeur. Aujourd'hui, c'est moi qui me colle à un exercice plutôt casse-gueule, celui de dépeindre votre portrait sans l'abîmer. Christophe de Chavannes, vous démarrez dans l'immobilier, mais ce n'est pas dans ce secteur que vous allez casser la baraque. Vous débutez en télé sur TF1, mais très vite, vous avez la moujotte et découvrez que la télé, c'est encore mieux l'après-midi quand Dominique Ancien voit en vous le renouveau. Quelques années plus tard, c'est de votre volonté de tutoyer les étoiles que naît Ciel, mon mardi, émission pas très cathodique, diront certains, qui d'ailleurs iront dénoncer Christophe à l'évêque. Mais qui, au fil du temps, s'impose comme un divertissement novateur qui vous permet d'atteindre la notoriété avec Patrice Kermouze et de financer en partie votre entrée dans le monde des courses automobiles où, comme à la télé, il faut être forte pour éviter les focus. Peu de temps après, vous choisissez de lancer, encore avec Patrice Kermouze, Coucou c'est nous, qui ne connaîtra pas le coucou de que vous prédisaient certains, que du contraire. Pourtant, malgré une belle mare de compliments, vous décidez une fois de plus de vous arrêter en pleine gloire. D'ailleurs, si ça pouvait donner des idées à Hanouna, enfin une idée à Hanouna, c'est beaucoup dire parce qu'elles ne viennent pas souvent de lui, mais on n'entendra pas Cyril Ferro-Aumône du talent des autres, tandis qu'elle n'aura pas grand-chose à dire pour sa défense. Hélas, comme le disait Franck Ribéry, philosophe des Luminaires, pour vous, la roue tourne à tourner. Incontournable il y a peu, vous êtes pourtant forcé à l'approche du millénium au congé sabbatique, ou sabbatier, comme on dit en télé. En même temps que Sophie Favier d'ailleurs, et c'est toujours rassurant quand on traverse le désert d'avoir une gourde à ses côtés. Malgré ça, Christophe Miossec, vous ne courbez pas les chines, et après les vaches maigres, TF1 vous dit la ferme, drôle de façon de vous proposer un emploi, et paf, vous voilà de retour avec la ferme célébrité, émission qui aura le mérite de nous apprendre que Jordi existe encore, et d'apprendre à Evangélie la différence entre cochon et Massimo Gargia, qui dans sa jeunesse chantait souvent « Dur dur d'être imbibé ». Pas sûr. Hein. Au bout de 2 saisons, après avoir récupéré votre thème d'immunité en télé, vous dites sortez-moi de là, et TF1 décide de vous donner de nouveau l'accès à ces cases prestigieuses, laissant plus grand l'écart avec vos adversaires. Oui, vous qu'étiez indésirable, redevenez à la mode. Le De Chavannes nouveau revint présenter un beau jeu Le Lait, du nom du patron de TF1 qui vendait du temps de cerveau, et prit la décision de remplacer Patrice Kermouze par un petit chien. Oui, c'est triste, mais pour Kermouze, c'est un sacré pas en avant. Lui qui foirait toutes ses démonstrations à l'antenne a cette fois bien réussi à se faire disparaître de l'écran. En l'espace de quelques années, vous faites de nouveau tourner la roue de la fortune, dans le bon sens, avec une Suédoise, une femme allumette, qui finira dans des pubs pour fauteuil en cuir, de quoi faire taire tous ceux qui la traitaient de pouf. Vous enchaînez ensuite avec une famille en or, à ne pas confondre avec une famille en tôle, ça c'est les Balkany. Et nul doute que la chaîne a bien en tête votre wishlist et est prête à vous confier d'autres rendez-vous majeurs, contrairement à Morandini qui lui préfère les rendez-vous avec des mineurs. Depuis quelques années, vous savourez même votre retour en radio. C'est Ruquier qui est là-dessous, notre concurrent direct, puisqu'on fait la même audience que lui, à un million près. Aujourd'hui, vous êtes ici pour nous parler du pari audacieux que vous vous lancez, à savoir relancer la tournée H-Tendre, une tournée qui ne se déroulera pas dans le monde entier, seulement sur un continent. Qu'on se rassure, vous n'avez pas prévu de chanter, hein, vous n'êtes que le producteur de ces concerts, celui qui s'occupe de garder Hugo frais, sans perdre de vue combien ça coûte. Vous qui avez toujours eu à cœur que votre société de production Coyote ne disparaisse pas des radars, et continuez d'ailleurs à produire Bienvenue chez nous, Bienvenue au camping, et bientôt pourquoi pas Bienvenue au resto, mais si, le slogan est d'ailleurs tout trouvé, hein, sort tes couverts. Car si je n'en ai pas encore parlé, Christophe de Chavannes, c'est aussi la lutte contre le sida, et ça vaut plus d'admiration que n'importe quelle émission qui cartonne ou qui capote. Ouais, c'est vrai. Christophe de Chavannes, c'est tout ça. On vous aime beaucoup en Belgique, Christophe. C'est très aimable, je vous le rends bien. Et quand je disais que c'était quelqu'un d'émotif, ça se voit. Quelqu'un qui a la main sur le cœur, ça se voit aussi. Et c'est pour ça qu'on vous aime. Vous avez un truc à lui demander. Non, parce que c'est quelqu'un qui vit son métier, il le vit sincèrement, il le fait avec le cœur. En fait, rien n'est calculé chez vous. Non, parce que je serais moins emmerdé si c'était calculé. Donc je pense que les hauts et les bas que j'ai pu connaître et que ne connaissent pas forcément mes petits camarades qui font le même métier, non, j'ai pas calculé. Justement, c'est peut-être ça que j'ai pu avoir à régler de temps en temps, c'est mes non-calculs et mes non-serrages de main avec des gens avec qui j'avais pas forcément envie de faire copain, donc voilà. Mais je suis très... Vous voulez dire que Michel Drucker est un calculateur infâme? Non, pas du tout. Michel Drucker est un type charmant que je connais bien. Mais en revanche, c'est vrai qu'il est en place depuis un petit moment et qui a connu probablement... Oui, son canapé est usé. Nous ne sommes pas de la même génération, mais qui a connu un peu moins de hauts et de bas. C'est le seul à peu près qui... Tout le monde a connu des hauts et des bas. Des gens comme Jean-Pierre Foucault... Il me semble que Christophe de Chavannes, particulièrement, je vous avais entendu dans une interview où vous disiez que c'était incroyable, déjà il y a 20-25 ans, les unes des magazines étaient pareilles. Christophe de Chavannes finit, le retour. Et c'est tout le temps pareil, quoi. Vous avez eu des cycles comme ça. J'ai dû avoir un paquet d'allées, parce que beaucoup de retours, mais il va y en avoir un autre bientôt, donc je reste très, très confiant, très, très, très gai. Il y a un nouveau challenge d'ailleurs, hein, c'est ce challenge, H-Tendre, la tournée des idoles, 10 ans, elle passera par notre royaume. Et vous savez ce qu'il y aura ce week-end? C'est beau de dire ça. Notre royaume, c'est beau. Que je vais passer par notre royaume. Parce que la Belgique est un royaume. Vous prenez vraiment pour un con. J'ai pas dit ça. Christophe, je vous propose un défi. Je vous en prie. Alors, vous savez que Cap 48, c'est ce week-end. Cap 48 vient en aide aux personnes handicapées. On vend des post-it voilà, pour ces personnes-là. Et je vous proposais d'en vendre avec moi dans un instant. Très bien. Je ne suis pas un mauvais vendeur. Alors, on en a 20 à vendre en moins de 10 minutes. 20 à vendre? Oui. Pas facile à dire non plus, mais 20 à vendre. En moins de 10 minutes. On part place Mézère. Tout de suite. Ah non, on prend une voiture. Ah non, si, on part maintenant, tout de suite. Bienvenue chez les fous. Il avait dit qu'il y aurait une prise d'otage. Oui. Fallait pas et dire oui. Et c'est au profit de Cap 48. Et alors attention, à chaque fois que vous vendrez un post-it, je prends un mégaphone et je fais la promo de H-Tendre, la tournée des idoles, en plein place Mézère. Non, c'est très bien. Allez, à tantôt. C'est super. je préfère sincèrement que vous parliez de H-Tendre à la radio. Parle à la radio, mais on va vendre des post-it maintenant. Mais on va pas vendre des post-it maintenant, c'est à Daouet, on est loin de tout. Non, c'est même pas, c'est à 3 minutes. Mais non, mais je veux bien. Allez, c'est parti, on parle avec Christophe de Chavannes, on va vendre des post-it, c'est parti. Restez sur la première. Il fait son Hanouna, qu'est-ce que vous voulez, on dit pas rien. Non. Il fait son de Chavannes, ouais. Devis pour vos portes et fenêtres auprès d'un homme de métier à l'USAPA et gagnez une pendaison de crémaillère. Inscrivez-vous sur sapachassis.be. L'aluminium, c'est notre métier. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les contes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vazam, ouvre-toi ! Instagram, ouvre-toi ! Crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthénamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça. Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthénamut, on vous simplifie la santé. Mon collègue Patrick m'a invité chez lui il n'y a pas longtemps. Et c'est parti, salut. C'était vraiment bizarre. Je te sers un petit apéritif. Magnifique. D'ailleurs, tout le monde trouve ça bizarre. Et les enfants, ça va. Allez, c'est vrai quoi, ne pas chauffer sa maison au gaz, c'est quand même bizarre. Ok, sa rue n'est pas connectée au réseau de distribution, mais alors t'appelles Primagaz, comme tout le monde. Profitez-vous aussi du meilleur du gaz. Devenez client. Surfez sur primagaz.be pour un avantage de 200€ et l'installation gratuite de votre citerne. Primagaz, le meilleur du gaz, là où vous le voulez. Non mais tu l'entends l'autre là, il fait que rigoler. Lui aussi doit rouler en Skoda. On est toujours plus détendu que les autres. On se sent beaucoup plus détendu quand on roule en Skoda. Skoda offre 2 ans d'entretien et de réparation gratuit à la signature d'un contrat WeCare de 3 ans. Profitez aussi d'une Skoda Fabia à partir de 8 750€, prime de recyclage déjà déduite. Pour des offres complètement détendues, ne cherchez pas, c'est chez Skoda. Offre soumise à conditions, plus d'infos sur skoda.be. Retrouvez la vie économique sur la première chaque jour du lundi au samedi. L'économie nationale, internationale et la bourse, décryptée par les spécialistes. Banque Van Breda, réservée aux entrepreneurs et aux professions libérales. La première. Il est 17h. Dan Burgel-Vernet, bonsoir à tous. La direction d'ING critiquée par les députés à la Chambre. Des députés qui ont promis de suivre de très près le front commun gouvernement-syndicat face à la direction dans les difficultés, dans les difficiles négociations sociales qui démarrent lundi. Le Conseil de sécurité de l'ONU se penche en ce moment sur la situation humanitaire catastrophique dans les quartiers rebelles et assiégés d'Alep. Avant de développer ces titres, un point sur vos conditions de circulation, c'est avec Pierre Collard-Bovy. Une fin d'après-midi assez calme, Diane, avec un ralentissement plus important sur le ring de Bruxelles peut-être, 25 minutes supplémentaires pour l'extérieur Zaventem Grand Bigard et un accident sur la 602 Lons-Saint-Chéné à hauteur de Liège-Guillemets qui vous fait perdre un petit 15 minutes. Des perturbations encore ce soir dans le réseau des transports en commun wallon, notamment. Aujourd'hui, le Front commun syndical a mené une journée de grève, pas une grève générale, mais dans certains secteurs, des actions ciblées avaient lieu dans les entreprises, notamment celles durement touchées par des plans de licenciement ces dernières semaines, ING ou encore Caterpillar. Une manifestation des services publics a également réuni quelques 3000 personnes à Wavre. C'est le fief du Premier ministre Charles Michel. C'est de la colère pour le passé, c'est de l'inquiétude effectivement, parce que quand on voit qu'il manque 4,2 milliards dans le budget, nous demandons à quelle sauce nous allons être mangés. Par rapport à AXA, à Caterpillar, etc., ce sont des gros chocs, ce sont énormément de pertes d'emplois qu'on perd. Dans les services publics, c'est plus sournois parce que c'est des non-remplacements, c'est des personnes qui partent et qu'on ne remplace pas, et c'est des services qu'on rend moins à la population. Donc c'est sans doute moins visible, mais par rapport à la réalité, on est aussi en perte d'emploi. Toutes les mesures gouvernementales qui ont été prises jusque maintenant, en fait, entraînent vraiment une précarisation de plus en plus importante de la population en général. Et donc les CPS, on est en première ligne justement confrontés à ces gens qui se retrouvent dans des situations qui sont invivables et intolérables. Des témoignages recueillis par Pierre Magos. Pendant 3h30, syndicats et direction d'ING ont été entendus ce matin par les députés des commissions conjointes Affaires sociales et Affaires économiques. À propos, bien sûr, de la restructuration annoncée lundi qui passerait par la suppression de plus de 3150 emplois, dont 1700 licenciements secs. Les négociations sociales, la procédure Renault démarrera lundi. Fabien Vanekot, ce fut l'occasion aussi de réentendre les justifications de la direction. J'ai parfaitement conscience que notre intention de procéder à une vague de licenciements, réduction d'effectifs, est tombée comme un coup de massue ce lundi. D'autant plus que notre entreprise continue d'obtenir de bons résultats. Mais selon moi, il vaut toujours mieux opérer une transition lorsqu'on occupe une position forte, plutôt que d'attendre d'avoir le couteau sur la gorge. Voilà le genre de petite phrase de Rick Vandenberg, le CEO d'ING Belgique, qui a hérissé et syndicats et députés présents ce matin. Un dirigeant qui a admis avoir sous-estimé estimer l'impact émotionnel des annonces de lundi, même s'il maintient qu'elles ont été mûrement réfléchies, et de promettre d'assumer ses responsabilités dans les départs, les reclassements. Il n'en dira pas plus, parlant 20 minutes sur les 3h30 de débat. Les députés, eux, ont beaucoup parlé pour afficher leur colère sur tous les bancs, majorité et opposition. Feu roulant de questions sur les aides perçues de l'État, les soutiens à l'emploi, pour parler de plans prétextes pour une meilleure rentabilité des actionnaires, de leviers partis vers les Pays-Bas, maison mère, d'évoquer le manque d'empathie de la direction et de promettre que les députés suivront de près le front commun gouvernement-syndicat face à la direction dans les difficiles négociations sociales qui démarrent lundi pour s'efforcer de limiter les pertes d'emploi et la casse sociale, négociations qui s'annoncent difficiles avec une direction unanimement pointée du doigt. Et après les syndicats et la direction d'ING, c'était au tour du vice-premier CDNV, ministre de l'Emploi, Chris Peeters, d'être entendu. Il est revenu sur son idée de créer avec les banques un fonds de réorientation et de reclassement en cas de restructuration. Chris Peeters qui a contacté le groupe des 10, les partenaires sociaux, afin de voir s'il fallait réformer la procédure Renault. Enfin, il a annoncé avoir pris contact avec son homologue néerlandais pour voir comment les Pays-Bas gèrent la crise ING et les fermetures d'agences annoncées aux Pays-Bas. Dans le cadre de l'attentat terroriste commis contre deux agents de police à Schaerbeek en région bruxelloise mercredi, le frère de l'ancien militaire a lui aussi été placé sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction. Il a été inculpé de participation aux activités d'un groupe terroriste. Mathieu fouette en ce moment la Floride avec de violentes bourrasques qui vont jusqu'à 195 km/h. Selon les pompiers, l'ouragan a fait un mort. Quelques 600 000 foyers sont privés d'électricité. Il y a un risque d'inondation meurtrière en Floride, en Géorgie, en Caroline du Sud. C'est ce qu'annonce le Centre américain de surveillance des ouragans. Dans ces trois États, le président Barack Obama a déclenché un plan d'urgence fédéral. Il doit permettre de mobiliser davantage de ressources. En Haïti, le bilan là ne cesse de s'alourdir. L'ouragan a fait au moins 400 morts lors de son passage. Un bilan qui reste encore très provisoire. Beaucoup de zones sont encore très difficiles d'accès et tous les chiffres n'ont pas été centralisés par les autorités. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, je vous le disais, réuni en ce moment à propos de la Syrie. Il tente de trouver une issue à la situation catastrophique dans les quartiers rebelles assiégés d'Alep. La Russie a demandé cette réunion d'urgence. Moscou est pourtant sur la sellette. Daniel Fontaine, la Russie est accusée de mener des bombardements meurtriers sur les civils piégés. Oui, l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie estime que Moscou bombarde sans discernement les zones rebelles d'Alep. Ces quartiers pourraient être totalement détruits d'ici la fin de l'année. Staffan de Mistura doit s'exprimer devant le Conseil de sécurité cet après-midi. L'émissaire a formulé déjà hier une nouvelle proposition pour tenter de faire taire les armes à Alep. Comme Russes et Syriens disent combattre les terroristes, il propose d'organiser l'évacuation des combattants qualifiés de djihadistes d'Alep Est. Il s'agit des membres du Fatah al-Sham, l'ancien front al-Nosra qui a récemment coupé les ponts avec Al-Qaïda. Moscou s'est dit favorable à un tel scénario à certaines conditions. La France a préparé par ailleurs un projet de résolution. Le texte prévoit un cessez-le-feu à Alep pour permettre un accès humanitaire aux 250 000 civils assiégés. De leur côté, les États-Unis veulent faire monter la pression contre Moscou. Washington prépare de nouvelles sanctions contre le régime syrien et son allié russe. Si ces sanctions ne sont pas validées au niveau des Nations Unies, elles pourraient être adoptées individuellement par les pays occidentaux. Le secrétaire d'État John Kerry vient de demander aussi une enquête pour crimes de guerre suite aux récents bombardements sur des hôpitaux d'Alep. Daniel Fontaine, il est 17h07, très belle fin de journée. Toute l'info est sur rtbf.be. Chez Cora, 20 euros d'achat égale 1 timbre. 25 timbres égale de 5 à 7 euros de réduction. Timbré, non ? Un choix comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Conditions en magasin. C'est toujours presque sérieux sur la première. Tout le monde est là, ou presque, il ne manque que Walid. Walid, on vous attend. Alors, je suis là. Alors, ah, nous sommes place Mézère avec Christophe de Chavannes. Christophe, ça va ? Oui, je vais très bien. Je suis au taquet, je suis post-ité à mort. Je pense que on va attendre que le feu soit rouge parce que sinon on va décéder. Mais sinon on va vendre des post-it au feu rouge. Alors, vous êtes place Mézère, vous êtes à Bruxelles. Vous voulez acheter des post-it au profit de Cap 48. Eh bien, on va vous les vendre avec Christophe de Chavannes. C'est parti, Christophe. N'ayons pas peur. On y va, on traverse. Alors ceux qui veulent des post-it n'ont qu'à klaxonner. Vous klaxonnez. Et voilà, ça klaxonne déjà. Et on va pouvoir vendre des post-it. Qui veut des post-it vendus au profit de Cap 48? Et on va passer devant les voitures. Allez, c'est parti. Des post-it au profit de Cap 48. Christophe, vous venez? C'est parti, il est là, il est avec nous. On va faire la voiture. Klaxonnez encore. Faites-les klaxonner un petit peu. Klaxonnez. 10 euros. Qui prépare 10 euros tout de suite? Voilà, qui prépare? Monsieur Christophe Deschavannes. Il en a 4. Allez, hop, on continue. Ici, Christophe Deschavannes. Bonjour, elle a lâché 10 euros pour Cap 48, une association d'handicapés, pour prendre le paquet de post-it. Qui va vous servir avec la dame? Vous allez pour lui dire, chérie, prends-moi le poulet. Alors c'est parti, 10 euros. Ouais. Chérie, pense aux fricadelles. Chérie, amène les frites. Ah non, je peux pas rendre la monnaie, fils. On peut pas rendre la monnaie. Attendez, on va regarder. Non, j'ai ça. Et maman, elle a, madame, 10. Ah, regardez, c'est gentil comme tout. Et voilà, Christophe Deschavannes qui vend des post-it, on lui en donne un. Voilà, c'est parti, on continue à vendre les post-it, c'est parti. Vous êtes sur la place Mézard. Là, il y a des gens qui veulent en acheter. Attention, doucement, Christophe, doucement. On y va, attendez, on est place Mézard. Stop, on arrête tout, on vend des post-it au profit de Cap 48 avec Christophe Deschavannes. Vite, donne-moi 10 euros et je te donne un paquet de post-it, ma fille. C'est pour les handicapés. Mais avec cet argent, avec cette voiture, descends de la voiture. Là-bas, on continue, on poursuit, on vend des post-it sur la place Mézard. Vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir acheter des post-it au profit de Cap 48 avec Christophe Deschavannes. Non, des post-it, 10 euros. Pour les handicapés. Pas maintenant. Attention, si on a 10 euros. Qu'est-ce que c'est que ces personnes qui se baladent sans argent? Ah là. Oh, il a un petit gamin, pépère. Alors, il a 50 euros. On n'a pas de monnaie. T'as pas 10? C'est bon, prends-les. 5 euros? Et te les donne. C'est 10? Ah ben non, ah c'est un don. Oui. Bon, on lui donne pour le petit, les post-it. Allez, je rajoute 5 euros. Allez, on lui donne. Bah, salut, gars. Merci. Il en a deux, c'est mignon. Bon, on poursuit la vente de post-it sur la place Mézard avec Christophe Deschavannes. Fais klaxonner tranquillement les gens. Nous sommes, où est-ce que nous sommes? Place Mézard, au feu rouge, les gens, les amis, les automobilistes. Klaxonnez qu'on vous repère. S'il vous plaît, allez, écoute pas la. Vous écoutez la première, vous êtes du côté de la place Mézard et vous souhaitez bien faire un don, profit Cap 48, des post-it vendus personnellement par Christophe Deschavannes. N'hésitez pas à passer par ici, vous nous regardez sur la page Facebook. Dites à vos amis que vous êtes dans les parages. Christophe Deschavannes, déjà 15 euros. Déjà 15 euros. Bon, alors, ça serait bien quand même qu'on trouve des donateurs un petit peu plus en grand nombre. Voyez, il y a une fenêtre ouverte. Ah, alors attention, c'est parti, là-bas, il y a des gens. On va. Ah, il y a des klaxons, il y a des gens qui voudraient acheter. La voiture rouge, c'est parti. Ah, c'est bien aimable. Donnez-moi 10 euros, je vous donne. C'est moi. Ah bon, salut. Ça me fait très plaisir de vous voir. Et lui, c'est Christophe Deschavannes. Dites-lui bonjour. Enchanté. Bonjour, monsieur. Alors, une chose, c'est que vous êtes bien les tout premiers. Pourtant, ça fait un petit temps que la campagne dure. Vous êtes les premiers que je vois et je roule beaucoup. Alors ça m'étonne un peu tout ça. Merci. Ah bah oui, mais voilà. Écoutez, vous êtes étonné, mais nous, hop, regarde, voilà. Voilà. Merci, monsieur. C'est ça. On continue à vendre des post-it. Je veux dire, je me demande si les Français feraient pas plutôt genre je ferme les fenêtres et hop, il y a personne, je suis pas là. Vous voyez? Alors qu'eux, ils réclament, ils disent ça fait un moment que je ne l'ai pas vu, je vous attendais. C'est quand même royal quand même. C'est ça la Belgique, Christophe. Mais c'est ça, mais c'est un royaume. Oui, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, un royaume. Et on va poursuivre cette vente de post-it. Il est quelle heure là pour le moment? Il est quelle heure? Est-ce que je peux avoir l'heure? Je lui donne l'heure en plus, 5h10. Alors, on va écouter Sheila. Je sais que c'est un morceau qui vous plaît. En tout cas, c'est une artiste qui vous touche à cœur. Qui est sur la tournée, Sheila. Oui, bien sûr. Et qui va chanter pour la première fois depuis 25 ans, l'école est finie, si ça ne sonne pas à nos oreilles, ça. Eh bien, justement, je vous propose d'écouter Sheila sur la première. Et on vous attend ici, place Mézard, pour vendre des post-it avec Christophe Deschavannes au profit. Le titre. Alors, le titre, on va me le donner dans l'oreillette. Oui. De Sheila, on va me le donner dans l'oreillette. Alors, vous me donnez le titre dans l'oreillette. C'est. Allez, c'est pas grave, on voit là, on va le trouver. Papa, t'es plus dans le coup. C'est pas gentil de me parler comme ça. Allez, on écoute ça sur la première, hein, tout de suite. Papa, t'es plus dans le coup. Papa, t'es plus dans le coup. Papa, tu m'avais dit, t'es ma plus dans l'enfance. Y'a mal à qui ne profite jamais. En grandissant au fil de l'existence, j'ai vu que ce n'était pas toujours vrai. Papa, t'es plus dans le coup. Papa, t'es plus dans le coup. Papa, tu m'avais dit. Ta voiture à Jean-Pierre, il me l'a ramené en pièce détachée. Papa, t'es plus dans le coup, papa. Papa, t'es plus dans le coup, papa. Tu devrais, ma parole, retourner bien vite à l'école, réviser ton jugement. Crois-moi, ce serait plus prudent. Tu m'avais dit pour me mettre en confiance que le travail conserve la santé. J'ai travaillé chaque jour sans défaillance depuis je suis. plus dans le coup, papa. Papa, papa, papa, papa. T'es plus dans le coup, papa. Tu m'avais dit, ce garçon est volage. Fais attention, il va te faire souffrir. Pourtant, près de lui, je vis dans un nuage. Et le bonheur danse sur mon sourire. Papa, papa, papa, papa. T'es plus dans le coup, papa. T'es plus dans le coup. C'est là, sur la première, nous sommes en direct depuis la place Mézard avec Christophe de Chavannes. Oui, oui, nous sommes en direct. Je propose que les automobilistes qui s'apprêtent à s'arrêter au feu rouge, place Mézard, mais en direction de quelque part. Non, mais là-bas, c'est vers où, là-bas? C'est vers... alors, moi, j'ai donné un mot compliqué. Mauvenpass. Bon Van Prat. Bon Van Prat. Oui, Bon Van Prat. Bah, en direction de Bon Van Prat. Vous arrêtez au feu rouge, un petit coup de klaxon. Ah, le coup de klaxon va vous coûter 10 euros en même temps, hein. C'est comme ça. Oui. Un coup de klaxon, on arrive, paf, les post-it, bing, 10 euros. Pour l'instant, j'ai ramassé 25 euros, t'as rien du tout, mon gars. Mais parce que je vous laisse vendre, Christophe. Vous savez, je peux pas tenir le micro. Merci, Wally. Alors, on poursuit cette vente et puis on va retourner dans le studio dans très peu de temps. Christophe Deschavannes, on va arrêter des voitures. Voilà, là. Hop, c'est rouge, on y va. Christophe, vous me suivez. Venez, Christophe. On va demander à monsieur, est-ce qu'ils ont 10 euros? Bonjour, monsieur. Vous n'avez pas 10 euros, il n'a pas 10 euros. On passe ici. On klaxonne, 10 euros. Profit cap 48. Non, on klaxonne. Non, ça klaxonne. Ah, ici, il y a de l'argent. Christophe, bonjour. Déposite, c'est à 10. Tiens. Voilà, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Bonne journée, au revoir. Bon alors, Christophe, ce qu'on va faire. Une pause, on va retourner en studio. Le défi est réussi. Merci. Et au nom de K48 et au nom de la RTBF, on vous dit merci. Je vous en prie. Et puis je vais rajouter 5 euros pour le monsieur qui a pas mis assez. Oh non, c'est moi. Bon, ben je vais mettre 2,50. Alors je mets 2,50 aussi. Bon, d'accord, c'est à nous deux, ça fait 5. Eh ben c'est parti, on retourne en studio et on poursuit cette aventure presque sérieuse. Restez sur la première, à tout de suite. Découvrez aussi les vérandas en aluminium de Sapa. Demandez maintenant un devis auprès d'un homme de métier à l'USAPA et gagnez une pendaison de crémaillère. Plus d'infos sur sapachassis.be. Du 3 au 22 octobre, c'est les prix Qualité Pro spécial isolation chez Tout Faire Matériaux. En ce moment, la plaque de plâtre 2,60 m, 2 bords amincis, épaisseur 9,5 mm, est à 2,39 euros le mètre carré. Alors profitez-en. Gagnez en savoir-faire. 2,39 euros le mètre carré, soit 3,73 euros la plaque largeur 60 cm, 7,46 euros largeur 120 cm. Nouveau, Komiyakaza Delicious. Réservez un moment rien que pour vous et savourez la lasagne royale, les raviolis di mare ou les farfalle pancetta formaggio. Komiyakaza. Apportez un peu de chaleur. Découvrez Monde Positif, le mouvement citoyen ni de droite ni de gauche qui va instaurer un vrai programme de plantation d'arbres pour une planète plus verte. Mondepositif.be. Mieux on connaît le monde, mieux on s'exporte. Alors, en Inde, comme dans d'autres pays, on vous dira jamais non de façon directe, même dans le business. On vous dira oui, oui, oui, mais. Vous comprenez? Oui? Non, vous voulez dire oui, oui ou oui, mais? Quoi? Avec Bruxelles Investi Export, un monde de perspectives s'ouvre à vous. Conseils personnalisés, contacts sur tous les continents, missions économiques, aide financière. Découvrez une force d'action unique pour les entreprises bruxelloises sur bruxellesinvestexport.be. Bruxelles Investi Export, créateur de perspectives. 3, allez Patrick, 2, pas trop tôt, hein. 1 et go. N'attendez plus que la nuit tombe. Profitez du tarif de nuit aussi pendant la journée. Devenez client chez Essent.be et recevez jusqu'à 3 ans le prix de l'énergie de votre facture d'électricité au tarif de nuit. Infos et conditions, Essent.be. Pearl Opticien coupe les prix en deux. 50% de réduction sur toutes les lunettes, verre basique inclus. Ça vous la coupe, hein? Conditions sur Pearl.be. Connections a 30 ans. Fêtez ça avec nous et découvrez le monde à partir de seulement 300 euros. Attention, cette offre n'est valable que jusqu'à demain soir. Surfez vite sur connections.be. La première. Mobile Info. Attention, ce camion en panne sur le ring de Bruxelles, en intérieur, peu avant Groenendaal. La bande à droite est neutralisée en direction de Waterloo. Autre véhicule en panne sur le ring de Bruxelles, toujours en extérieur cette fois, à hauteur de Zaventem. Des fils commencent à se former. C'est une camionnette avec un plateau qui est en panne en direction de Grand Bigard. Alors, les temps de parcours, 30 minutes supplémentaires pour l'extérieur Zaventem-Grand Bigard, forcément. Plus 17 minutes pour l'intérieur Zaventem-Carrefour-Léonard et plus 10 minutes pour l'extérieur Grand Bigard. Au titre terminé pour l'accident sur la 602 Long-Saint-Chesnay à hauteur de Liège-Guimain, donc tout est rentré dans l'ordre de ce côté-là. Un accident impliquant plusieurs véhicules vient de survenir sur la N680 Angleur-Serein à hauteur du Sartinement. C'est la bande en droite qui est neutralisée en direction de Serein. Attention parce qu'il n'y a pas de signalisation sur les lieux de l'accident. Et puis à Cherat sur le 40, toujours quelques minutes perdues de chaque côté à hauteur du chantier de Cherat donc. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jet Air devient TUI. Discover your smile. Un problème. problème sur la route, signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. TriTop Asset Management présente les pourquoi. Pourquoi avoir un smartphone ne suffit pas pour investir en bourse? Si les plateformes en ligne facilitent l'accès à la bourse, cela reste un monde complexe. Investir seul, c'est prendre plus de risques. C'est pourquoi chez TriTop, l'accompagnement, l'information, les services, les outils didactiques, notre expertise est accessible à tous nos clients pour vous permettre de profiter de l'évolution de la bourse mondiale dans les meilleures conditions. Pour accéder à la bourse mondiale simplement, follow Jack sur tritopam.com. C'est presque sérieux. Sur la première, 16h-17h30, avec Walid. Et on entre dans les couleurs de la RTBF. On a quitté la place Mézère pour vendre des post-it au profit de Cap 48. Et nous revenons le temps pour nous de prendre l'ascenseur. Christophe est avec moi. Nous sommes toujours en direct. Attention à la marche. C'est exact, il s'est pas encore barré. Non, attention à la marche, c'était Reichmann. Pour monter haut. Pardon ? On va monter à quel étage ? On quatrième. Va au troisième. Nous sommes sur la première pour aller haut. Troisième. Et je vous propose d'écouter l'agence de presse. Attention, tout ce que vous allez entendre maintenant est complètement faux. On marque une pause avec ceci et on revient juste après. Écoutez. C'est presque sérieux. Sur la première, 16h-17h30, avec Walid. Chers compatriotes, c'est avec un immense chagrin dans nos cœurs que nous vous annonçons que Tintin a fait un AVC hier au Gabon. 100 millions de vieux qu'il faut recycler. Le ministère de la Santé met en place un plan d'attractivité pour partir en Syrie faire le djihad. Donald Trump est resté sans voix un bon moment. Avant de confier, je crois que ces retraités sont un fléau. Un hologramme de François Bayrou dans les magasins Carrefour expliquait aujourd'hui qu'il n'a pas le portable de Pompidou. François Hollande, amputé de la jambe gauche depuis un accident de scooter sur une comète en forme de cacahuète baptisée Churi, appelle au secours Jean-Luc Mélenchon. Voilà, c'est tout. Et puis une bonne nouvelle, Kim Kardashian, prix Nobel de la paix, a annoncé sa retraite. Comme dirait Michel Drucker, vive les vacances. Non, vive mon dimanche. C'est presque sérieux. Sur la première, 16h-17h30, avec Walid. Alors que je cours dans les couloirs pour rejoindre le studio, Christophe de Chavannes qui me suit. Nous sommes en direct, allez. On a vendu des post-it, tout le monde est content, tout le monde est heureux. Ici. Et je vous rappelle d'ailleurs le rendez-vous de Paris manqué ce week-end, dimanche, entre 20h25. J'arrive, voilà dans le studio, je rentre, ça va résonner. Voilà, ah bah oui, le voilà. Il a perdu de Chavannes. Non, de Chavannes. Il est mort écrasé. De Chavannes va arriver. Ah. Il vous a eu du succès, vous avez bien vendu. C'est surtout Christophe qui a bien vendu, il va nous le dire dans un instant. Je rappelle donc le rendez-vous ce dimanche dès 20h, soyez au rendez-vous au profit de Cap 48 avec un garçon que vous connaissez bien d'ailleurs, Christophe, qui est le parrain cette année de Cap 48, Jean-Luc Reichmann, qui sera avec nous pour je prends mon souffle. Faire un peu de sport. Ouais. Faire ça à son âge, franchement. Ouais, tu vas voir mon âge. Bien sur un tatami, monsieur, si vous voulez. Non, je suis très, très content d'avoir fait ça et bravo. Et c'est une très belle initiative. Donc, Cap 48, je suis content d'avoir participé, les amis. Eh ben voilà. Franchement. Vous avez besoin que les auditeurs viennent quelque part. Oui. Oh, j'ai gardé 10 euros. Il a gardé de l'argent. Oui. Ah non, je vous jure, j'ai pas fait exprès. Scandale. Je l'ai pas fait exprès. Je l'ai mis là. Personne n'y touche. Ouais, voilà. Walid, il faut dire pour ceux qui l'ont pas vu qu'on a fait un live Facebook en direct pendant toute l'opération. Oui, il faut signaler aussi que ceux qui ont vu ça sur Facebook, c'était pas une arrestation de djihadistes. Non, c'était. On a passé un bon moment en tout cas avec Christophe Deschavannes. Non, c'est pas encore fini. Il y avait le fameux questionnaire yéyé. Ah. Oui, parce qu'on va reparler de cette tournée qui passera par la Belgique. Oui, cette tournée tournée H-Tendre les 10 ans, qui passera donc par la Belgique. Deux dates à retenir. La première, le 3 décembre, Wex de Marchand-Famène, et la seconde, le 17 février, à Forêt Nationale. C'est exact. Et savez-vous d'où vient le mot yéyé? Alors, vous allez me le dire. Mais pas du tout. Je vous pose une question, c'est pas pour y répondre. Eh bien, je vous réponds par une autre question. Parce qu'il traduisait les chansons anglaises où ils étaient tout le temps yéyé. Yéyé, absolument. Voilà. Je savais. Mais voilà. Une question, une réponse. J'ai une autre question pour vous, Christophe. Elle a été championne de France de gymnastique en 1952. Isabelle Aubray. Oui, effectivement. Bien sûr. Qu'est-ce qui a imité ma voix ? J'aurais dit Yvette Horner. Qu'est-ce qui a imité ma voix ? Et 10 ans plus tard, écoutez, elle gagnait le concours de l'Eurovision avec un premier amour qu'on écoute d'ailleurs. Premier amour. Concours qui se déroulait au Luxembourg et marquait donc la troisième victoire de la France. Ouais, après, sur 7 participations. Oui, c'est énorme. Et dernière. Ouais. Alors, non, pas dernière. Marie-Myriam. L'oiseau et l'enfant. L'oiseau et l'enfant. Christophe, si je vous dis Ulysse 31. Ben, je te dis, t'arrêtes de me parler comme ça. D'accord. Quel est le lien entre ce générique et l'un des artistes de la tournée, Ulysse 31? Il faut que j'écoute quelque chose. Ouais. Ah, c'est pas de casque. Il faut que j'écoute quelque chose. C'est composé par Jean-Jacques Goldman. Non, c'est pas composé par Jean-Jacques Goldman. Vous entendez quelque chose là, oui, les gars? Oui. Mais j'ai pas de casque. Alors, il y a un lien. Il y a un lien entre Ulysse 31. C'est pas générique. C'est pas... Ah, Ulysse 31, c'est une agence immobilière. Non. Alors, Ulysse 31. C'est animé pourri des années 80. Attention, Christophe, l'un des artistes de votre tournée. Ah oui, alors ça c'est un dessin animé déjà. Oui, déjà, Ulysse 31, oui. Oui, bah oui. Bah oui. Merci. Celui qui chantait. Ah, mais attends, taisez-vous deux secondes. Enfin, alors, bah, moi, je suis allé dans la rue, moi. Je ne veux rien savoir de votre passé. Oui. Non, c'est quelqu'un qui est vraiment très proche d'une artiste de la tournée. Ah oui, d'accord. Oui, je sais. Vous vous souvenez du dessin animé Ulysse 31? Un peu. Eh bien, c'est Lionel Leroy. Ah, quand même! Oui, le pseudonyme, c'est Yves Martin. Qui est le mari de Sheila. De Sheila, effectivement. Ah, oui. Sheila, qui est d'ailleurs la deuxième artiste française après Edith Piaf à s'être classée au Billboard américain, rien que ça, monsieur, s'il vous plaît. Ah, quand même! Ah, oui. Mais elle a vendu des millions, ah, des oui, millions 85 millions de disques. Oui, enfin, Sœur Sourire aussi. Hein. Oui, oui. Tiens. Elle a moins bien fini. Elle a moins bien fini, oui. J'ai envie de vous poser. On parlait de Gérard Lenormand tout à l'heure, qui a bercé, en tout cas, une partie de mon enfance, certainement l'enfance de pas mal d'entre nous, en tout cas ceux qui nous écoutent. La partie tardive de votre enfance. Il était invité chez Michel Drucker dans Champs-Élysées. Et j'ai envie de vous dire, que s'est-il passé dans cette émission? Ah, je ne sais pas, mais si vous avez envie de le dire, dites-le. Non, mais tentez de le deviner. Il a retrouvé son père. Non, c'est pas ça. C'était un Allemand. C'était sacrée soirée, ça. Quand était-ce? Alors, c'était en 1985. Ah, d'accord, tu vois un petit peu. Déjà, c'est il y a 30 piges. Il a fait son AVC. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il sortait un album qui s'appelait Fier Nippon. Fier Nippon, ni soumise. Oui, ça aussi. N'a rien à voir. Non. Nippon ni mauvaise. Aussi. Autant pour moi. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? Voilà, c'est fait, ça c'est fait. Je vais y aller. Champs-Élysées, Michel Drucker, 1985. Vous voulez la réponse? Oui, parce que j'avais 12 ans à l'époque, et bien, donc forcément je m'en souviens pas bien. Écoutez ce qui s'est passé. Gérard Lenormand qui, à un moment donné, oublie en live, et ça peut arriver à n'importe quel artiste. Ah, sa chanson. Ses paroles. Mais alors, ce qui est bien. C'est ce qui suit. Il se démerde. Entre deux safaris au Kenya, elle se pose dans mes vieux pyjamas. C'est plus la même langue. Attendez. C'est déjà pas mal. C'est du yaourt. Il dit c'est lui, alors il assume. Il oublie ses paroles. Et il poursuit. Ah, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Je sais pas se barrer. C'est du direct, c'est du prime time, j'imagine, genre Champs-Élysées. Voilà. Il va pas dire attendez, on arrête tout, on recommence. Il a fait jusqu'au bout comme ça? Ouais, et là, il s'est rappelé un peu, il a repris après. Oui, il a retrouvé le refrain. Il y a un couplet qu'il avait plus, mais. Moi, je suis baba de voir les chanteurs qui, sans prompteur, sans rien, enchaînent des chansons. Parce que j'ai chanté une fois dans ma vie avec Chan. C'était quoi? Il y a un an. C'était quoi? Boomerang. Alors, vous avez comme un boomerang. Chanté. Ah non, bah, si. Même pas. Tu m'as fait vendre des post-it pour le mec, tu te grattes. Après, on repart dans la rue. Est-ce que Christophe de Chavannes peut nous faire un petit bout de Boomerang? Mais rien du tout, je peux vous faire un petit bout de plein de trucs, mais pas ça. Un petit bout, des petits bouts comme ci, des petits bouts comme ça, mais pas de chanson. Non, je peux pas. En plus, il faudrait que j'ai... Amenez-moi Chaim. Amenez-moi Chaim. Eh bien, elle est là. Elle s'est jetée dans le public. Chaim, vas-y, rentre. Elle s'est jetée dans le public. On est chez les fous, là. J'adore. Vous allez vous en souvenir. C'est pas encore terminé. Je me souviens de ma journée ici. Et ça se termine par un saut à l'élastique du haut de la tour. Ah, mais ça, les mecs, je vais vous déposer. Mais moi, sans élastique. Comme ça, on ne parle plus de rien. Alors, Christophe de Chavannes, ça m'a fait très plaisir de vous accueillir. Merci en tout cas d'avoir joué le jeu, d'avoir été presque sérieux. Je rappelle les dates. Le 3 décembre, au Aix de Marchand Famène. Le 17 février, à Forêt Nationale. Et je serai là, je reviens. Hein. Je viens le 3 décembre, je viens le 17. Et je vais même monter sur scène pour vous voir. Chanter Boomerang avec Chaim. Je viendrai vendre quelque chose devant. Je vendrai des frites devant. On se mettra à la caisse. On se mettra à la caisse. Mais j'ai mangé une barquette aujourd'hui avec une fritadelle. Je me demande si je ne le regretterai. Ah bah, tu vois, regarde, moi aussi. Christophe de Chavannes, le presque mot de la fin vous revient. Il vous reste très exactement 40 secondes pour clôturer cette émission. Faites-vous plaisir. Écoutez, mais je veux pas me faire plaisir. D'abord, j'ai posé 10 euros ici pour le Cap 48. Donc je rappelle que. Oui, on sait que vous avez fait une bonne action, ça va. Je vais les garder. Tiens, tu vois. Et puis Cap 48, évidemment, les chercher. Voilà, je les mets là, ne les touchez pas. En tout cas, merci pour l'accueil. Et j'espère que la tournée, ça va rouler ici, aussi bien que par chez nous. Je suis ravi d'être venu. J'ai eu une longue journée, comme on appelle, comme on dit, un promo. Et